Radio Libertaire 89,4 MHz. Et si, je vous l'avais dit, ça va être Bulle de Rêve, effectivement. Alors, faudrait que je prenne un air essoufflé d'un Alexis qui arrive tout juste dans le studio pour faire la présentation, comme à l'accoutumée, de Bulle de Rêve au pied levé, en déballant ses affaires, en mettant les invités autour de la table et les chroniqueurs habituels. Mais finalement, je vais laisser Francis faire ça à ma place, puisque t'es invité ou t'es animateur? Bonsoir Nicolas. Donc oui, c'est Francis Gavel au micro de Radio Libertaire. Et donc non, ce n'est pas longtemps, je me suis couché de bonne heure, mais c'est bien Bulle de Rêve, donc normalement je suis invité. Mais il faut savoir que le maître des lieux, donc Alexis Huneau, est coincé dans les embouteillages, car il ne savait pas qu'à Paris, le week-end, il y avait des embouteillages. Voilà, maintenant c'est chose acquise. Donc nous on va avoir le plaisir de commencer tout doucement. Donc ce que je propose, Nicolas, si tu es d'accord, c'est que dans un premier temps, voilà, du coup, je vais en profiter pour mettre une programmation musicale dont j'avais envie. Je viens de recevoir le nouvel album de Luce. Alors Luce, il faut savoir que c'est une ancienne, je me rappelle plus si c'est Starac ou Nouvelle Star. Sauf que Luce, voilà, c'était un vrai tempérament dans le cadre de cette émission. C'est une fille qui a beaucoup d'énergie, de pêche, qui a fait un premier album avec Mathieu Bogert à la production, à l'écriture. Elle retrouve de nouveau Mathieu Bogert pour ce nouvel album qui vient tout juste d'arriver, et dedans il y a peut-être le premier single de l'album, comme on dit quand on est sur une radio commerciale. Mais voilà, il y a surtout un très très bel album, plein de dynamisme, plein d'énergie, plein de vie. Et puis il y a cette chanson Polka. Donc je pense qu'on peut démarrer l'émission Bulle de Rêve avec Polka de Luce. C'est la polka, je la veux danser dans tes bras. Je la veux danser tout de suite, je la veux danser toute cuite. Je veux danser la polka, même si je sais pas le pas. Je la veux danser, c'est fou, je la veux danser tout dessous. Même si je suis pas à la cadence, je veux entrer dans la danse. Je pourrais danser n'importe quoi, tant que c'est avec toi. Je sais j'ai mes gros sabots, oui mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas debout, je la danserai à ton cou. Même si je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste. Je veux danser la polka, 1, 2, 3, on y va. Oui, mais non, pas avec Riton, qu'on veut qu'un minichon. Oui, mais non, pas avec Gilou, qu'on veut qu'à mes dessous. Je veux pas bailar la bomba, je veux danser la polka. C'est pourtant pas compliqué, tu pourrais bien me l'accorder. Je la veux danser ta vie, je le veux bouger mon cul. Je la veux danser toute nue, je la veux danser toute crue. Même si je suis pas Stéphanie, je vais pas te le dire 100 fois. Oui, mais non, pas avec Jean-Pierre, qu'on veut qu'à mon derrière. Oui, avec son pote, qu'on veut qu'à ma culotte. Je veux danser la polka, je la veux danser dans tes bras. Je la veux danser tout de suite, je la veux danser toute cuite. Mais si t'aimes pas ma gueule, bah je la danserai toute seule. J'irai danser la vodka, je la danserai dans mes draps. Right. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, le numéro de téléphone de notre studio, le 01 43 71 89 40. Francis Gavel au micro, mais ce n'est pas longtemps, je me suis couché de bonne heure, je le répète, c'est bien Bulle de rêve que vous êtes en train d'écouter. Nous attendons juste le maître des lieux, monsieur Alexis Huneau. En attendant, il y a quand même des gens qui sont déjà présents autour de cette table et que donc je vais accueillir ce soir. Alors déjà, les invités de ce soir, donc Marco Deblois, bonsoir Marco. Bonsoir Francis. Alors Marco... C'est impeccable jusqu'à maintenant. Ah, voilà, alors je vais essayer justement de l'être en te présentant. Hein, donc là, on a de la chance parce que tu es du Québec et tu es en ce moment en Europe. Tu étais au festival Anima à Bruxelles juste avant. Tu fais un petit détour par Paris et tu as dit à Alexis, eh bien oui, je serai là pour ton émission. Donc tu es conservateur et programmateur à la Cinémathèque québécoise pour le cinéma d'animation. Voilà. Alors juste une petite question, après je sais que vous avez prévu un petit entretien Alexis et toi. La place de l'animation, parce qu'on est, quand on voit la place qu'a l'animation à la Cinémathèque québécoise, avec notamment, entre autres, ce qui apparaît pour nous les semaines du cinéma d'animation, on se dit elle a plus de place dans l'absolu qu'à la Cinémathèque française, par exemple. Comment c'est fait? Est-ce que c'est historique? Parce que ben, le Canada, c'est l'ONF aussi, c'est l'importance de McLaren. Il y a un facteur déterminant, j'aurai l'occasion probablement de m'étendre là-dessus, mais il y a un facteur en fait qui est une personne qui s'appelle Guillaume Côté, qui est le fondateur de la Cinémathèque québécoise. Et donc, Guillaume Côté a fondé l'organisation en 1963 qui s'appelait alors Connaissance du cinéma. Guillaume Côté travaillait aussi à l'ONF. Il aimait déjà beaucoup le cinéma d'animation. Il avait d'ailleurs écrit un papier sur McLaren pour les cahiers du cinéma. Et ensuite, Guillaume Côté, qui était un homme particulièrement volontaire, a mis sur pied en 1967 la rétrospective mondiale du cinéma d'animation. Qui s'est tenu en marge de l'exposition universelle chez nous. Et ça a été un événement marquant dans l'histoire des études sur l'animation chez nous, et si bien que la passion de Guillaume Côté a déteint sur sa création, c'est-à-dire la Cinémathèque québécoise. Et donc, c'est pour des raisons, oui, historiques, que le cinéma d'animation n'occupe pas toute la place, bien entendu, mais a toujours eu une place particulière, ce qui se traduit dans ce cas-ci par la présence donc d'un employé qui est moi-même affecté à l'animation, aussi bien pour la programmation que pour les collections. D'accord. Alors, on réévoquera tout ça tout à l'heure dès que Alexis arrive autour de la table. Alors, une voix qu'on a plus l'habitude d'entendre dans l'émission, hein, critique de cinéma, journaliste, Nicolas Tisse. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, toi, on te connaît surtout pour ce que tu écris à écran large, mais aussi... Finalement, voilà, le lien entre Marco et toi, c'est aussi la revue 24 images, où notamment au moment d'Annecy, on doit des papiers généralement assez enflammés d'ailleurs. Sur le blog animation de 24 images. Voilà, oui, bien sûr. Sur Internet. Et alors, comment vous êtes rencontrés finalement tous les deux? Comment cette collaboration a commencé? Par la magie des réseaux sociaux, Nicolas est devenu mon ami Facebook à un moment donné. J'ai eu l'occasion d'attraper quelques-uns de ses textes sur le web. Et il est assez rare de pouvoir lire des textes intéressants et bien écrits sur l'animation. Donc, mine de rien, on s'est rencontrés. Bon, il faut savoir que Marcel Jean a écrit pendant longtemps le blog d'Annecy sur le site de 24 images. Bon, Marcel étant devenu directeur artistique, il était donc évidemment très mal placé pour pouvoir tenir ce blog. Et donc, nous avons invité Nicolas à tenir le blog, ce dont il s'est exécuté magnifiquement l'été dernier. Alors, c'est tout simple, c'est comme ça. D'accord. Et alors, tenir ce blog pendant un festival comme Annecy, ça veut dire que, en fait, tous les jours, tu postes un papier? C'est ça. Tous les jours, après chaque journée, en général, au milieu de la nuit, une fois que toutes les soirées, fêtes, festivités sont terminées, en rentrant, en espérant ne pas avoir trop bu, on commence à écrire et ça donne quelque chose qui est publié tous les matins. Voilà, alors évidemment, comme ça, vous découvrez. Pour les auditeurs de la radio, là, qui ne sont pas les auditeurs fidèles, il y a les auditeurs fidèles de Bulle de rêve, donc qui sont dans le monde de l'animation, qui savent comment ça se passe, qui connaissent les festivals. Mais pour tous les auditeurs fidèles de Radio Libertaire qui ne connaissent pas forcément l'animation, vous découvrez, et oui, ce qu'est une vie de festival. Certes, une vie de festival paraît comme ça insouciante et légère, mais bon, d'abord, tu pourrais rentrer plus tôt en n'allant pas dans les soirées. D'ailleurs, je tiens ici à souligner que Bon, comme je le disais, il s'écrit peu de choses sur les films d'animation. Et il y a eu l'année dernière un film particulièrement marquant qui a polarisé les gens, même ici autour de la table. Je pense que les gens ne sont pas tous d'accord. Il s'agit d'Hippopotamie de Pierre Dumawa, la production polonaise. Et Nicolas a été, je pense, le premier à écrire un papier sur ce film dans le cadre de son blog. Et le film, c'était pas une première, mais c'était sa quasi-première à Annecy. Donc, je pense que cette formule du blog quotidien à Annecy a sa pertinence et donc ça permet déjà d'indiquer quels sont les films à retenir et quels sont les films qui vont marquer. D'autant plus que le gros avantage du Festival d'Annecy, c'est d'avoir aussi, dans sa programmation officielle en compétition, un programme par jour et non pas d'aligner, par exemple, tous les programmes tel jour ou deux ou trois programmes. Ce qui fait que chaque jour, chaque soir, c'est possible de faire une espèce de compte-rendu vraiment quotidien sur un programme, sur chaque programme, plus de se concentrer aussi un peu sur autre chose de temps en temps. D'accord. Donc, ça veut dire que, principalement, et on va en finir avec cette évocation d'Annecy, tu écris d'abord sur, en fait, la compétition court-métrage. C'est quand même le gros centre d'intérêt, le premier centre d'intérêt. Après, c'est vrai que si dans la journée il y a eu un autre coup de cœur, c'est vraiment aussi là-dessus qu'on va se focaliser en plus de la compétition. Mais en général, c'est vrai que c'est aussi évoquer la compétition internationale de court-métrage qui est peut-être l'événement le plus important. Le fer de lance, en tout cas, de la programmation à Annecy. D'accord. Alors, maintenant, je vais me tourner vers Rémi. Bonsoir, Rémi. Alors, Rémi, t'es là, comme d'habitude, dans l'émission Bulle de rêve. Et moi, je ne te passe pas à la fin quand il te reste que 5 minutes. Donc, pour l'agenda de l'AFCA. Alors, je rappelle l'Association française du cinéma d'animation. Moi, je pense à tous les auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'animation. Donc, il faut aussi leur dire ce que c'est que l'AFCA. Partons-y, commençons, écoutons-toi surtout. On va commencer avec les festivals comme d'habitude. Alors, un festival dont je parle pour un seul film, ça m'arrive pas souvent mais on va le faire, c'est les Journées du cinéma italien à Nice, à l'Espace Magnan, qui font toujours beaucoup de choses pour l'animation. Ce sera du 14 au 28 mars. L'unique film dont je veux parler, c'est Le Petit Monde de Léo, qui est sorti le 11 février. C'est 5 contes de Léo Lioni, on a tous lu au moins un de ces contes quand on était à la maternelle, et donc ils sont adaptés par Giulio Giannini. Le festival d'un jour, qui ne dure pas un jour. Plus maintenant. C'est du 16 au 21 mars, dans 8 communes de la Drôme et l'Ardèche. Il y aura pas mal de choses à ce festival-là, dont un marathon sur tablette numérique, ça se fait de plus en plus, maintenant j'ai l'impression. Donc ça devrait être plutôt sympa. Des cinés musicaux, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je ne suis pas renseigné, ça doit être dans le genre ciné-concert. Et si j'en invente des mots aussi, je ne peux pas savoir. Un atelier familial autour des jeux d'optique, des rencontres avec les auteurs, etc. Et deux événements en particulier, deux masterclass, une avec le compositeur Nathanaël Bergès, qui a travaillé sur le film hors centre de l'école, ce sera le 20 mars à 9h30. Et le même jour à 14h, une masterclass avec la réalisatrice Isabella Plusinska, qui apparemment travaille la pâte à modeler. Tout à fait. Le 6e festival Cinécourt animé de Roanne. Alors, il y aura une expo en sortant de l'école. Donc, je parlais de en sortant de l'école il y a quelques temps. Je crois même qu'il y a une suite qui est en préparation. Donc la saison 2 qui va être consacrée donc à Robert Desnos est en train de s'achever. Donc, va être prêt pour une diff télé dans la deuxième quinzaine de mars, si je dis pas de bêtises, parce que là, j'ai pas révisé mes dates. Donc, est prête au mois de mars parce qu'elle est lancée au moment du printemps des poètes, donc c'est le mois de mars. Donc la deuxième saison est effectivement bouclée. Là, l'expo, je sais pas encore, je n'ai pas été regarder sur le site du Festival de Roanne si c'est la première saison consacrée à Prévert ou si c'est déjà Desnos. Et effectivement, derrière, donc Desnos va arriver, va être présenté à la télé tous les dimanches matins, si je dis pas de bêtises, dans Ludo sur France 5. À raison d'un film par semaine. Il y aura peut-être, comme l'année dernière, ça c'est encore à voir, une sortie salle avec distribuée par GBK, donc ça c'est à suivre, c'est pas encore certain. Il y aura évidemment une sortie DVD chez France Télévisions après la Diff Antenne. Et effectivement, il y a déjà une troisième saison sur laquelle il y a un appel d'offres qui, elle, va être consacrée à Apollinaire. Exactement. Et toujours dans ce festival-là, pour y revenir quand même, il y aura des films comme Rêve de brume de Sophie Racine, Flat Life de Jonas Gernaert. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est belge. C'est belge flamand. Oui. Augmented Reality de Martin Cooper, c'est un film qui a pas mal tourné sur Internet. Ah, voilà. Et Tempête sur un orage de Paul Cabon. Je parle évidemment que de ceux que j'aime bien. Il y en a encore beaucoup d'autres. C'est très subjectif, c'est quand même cette revue de cet agenda. Moi, je veux bien parler de tous les films. On avait essayé dans l'agenda du mois dernier de parler de tous les films qui avaient passé à Clermont-Ferrand. Au final, ça faisait un énorme pavé. On l'a complètement supprimé. Non, on le fera juste si Alexino ne nous rejoint pas avant 18h. Continuons. La 11e fête de l'anime, pas celle de l'AFK, qui fait une fête de l'anime à échelle internationale. Là, c'est à Lille, Tourcoing et Roubaix, dans le Nord. Donc, ça a été créé en 2004. Il y aura plus de 150 courts-métrages, des longs-métrages également. Une masterclass avec Raoul Servais, qui ça me paraît quand même être la chose à voir cette année. Des rencontres avec Michel Oslo, qui est invité d'honneur du festival. Donc il y aura la plupart de ses films, plus une rencontre. Un atelier d'animation pour enfants. Et des films comme L'île de Giovanni, Le Chant de la mer, si vous ne les avez pas encore vus. Fort bien. On passe aux événements. Alors, deux journées sur Hayao Miyazaki. Ce sera au cinéma Nivelle à Redon en Ille-et-Vilaine. La première, c'est le 6 mars. Ça sera sur Miyazaki, l'art du dessin animé. C'est animé par Stéphane Leroux avec le film Porco Rosso. Et le lendemain, le samedi, ce sera toujours avec Stéphane Leroux, qui est docteur en cinéma et prof à Rennes 2, faut me préciser. Ça sera sur Miyazaki en général, sur tous ses films. Beaucoup d'animations à la Cinémathèque française. Il y aura trois programmes quand même ce mois-ci. Le premier, je les ai mis dans le désordre d'un agenda de l'AFCA, c'est pas grave. Voir la vie en rose, ça sera le mercredi 4 mars à 15h, avec la réalisatrice Sophie Rose et Antoine Lanciot. Ils vont présenter leur nouveau film Neige, qui est en papier découpé. Et alors deux autres de leurs films, L'escargot de Joseph et Oiseau cachalot. Donc, deux films de Sophie Rose. De Sophie Rose, oui. Et aussi un film de Jean-Luc Grange, de Pierre-Luc Grangeon, pardon, L'enfant sans bouche, et Beau voyage de Samuel Ribeyron. Ensuite, le 11 mars, toujours salle Henri Langlois, je ne sais pas si je l'ai précisé. Est-ce que tu entends ce que je vois ? C'est un programme de court-métrage avec Blinky Blanc de Norman McLaren, j'arrive jamais à le prononcer. Frère Descals, ça c'est plus facile, de Len Lai. Au premier dimanche d'août de Florence Miaille. Et encore beaucoup d'autres films. Et le 18 mars à 15h, Drôle d'air avec le Moine et le Poisson de Michael Dudoc de Witt, Rhapsodie pour un pot au feu de Charlotte Cambon, Stéphanie Mercier, Marion Roussel, Soisic Mouton et Wonder de Mireille Mizou. D'accord. Donc ça, c'est à la Cinémathèque, on le redit, parce que là, il y avait beaucoup d'infos. Et ça fait toute une page dans l'agenda. Hein. Voilà, et donc c'est sur les séances, c'est sur les mercredis, c'est les séances du 4 mars, du 11 mars, du 18 mars, à partir de 15h. Donc c'est des infos, évidemment, qu'on peut retrouver sur le site de la Cinémathèque française, en allant à la Cinémathèque et en prenant le catalogue aussi. Je te laisse continuer. Alors, les conférences du mercredi avec Crocanime. Donc, ça sera le 18 mars à 19h30, toujours à l'auditorium du pavillon carré de Baudouin dans le 20e. Faut réserver, comme d'habitude. Ce sera sur l'esprit artistique des différentes écoles du cinéma d'animation. Donc, vous pouvez aller sur le site de Crocanime si vous voulez le numéro. Je ne le donne plus à la radio, personne ne le note de toute façon. Mais donne-le ce soir, si. Ce soir, ce n'est pas Alexis Huneau. Donc ce soir, tu donnes le numéro de Crocanime. Allez, 01 43 15 02 24. Voilà, 01 43 15 02 24. L'exposition Hardman au musée Art Ludique, il me semble que c'est aujourd'hui que se finit celle sur. Sur Ghibli. Voilà, d'accord. Donc celle-là va commencer. Oui. Donc celle sur Hardman va commencer le 21 mars et ça sera jusqu'au 30 août. Donc ça sera quand même à pas louper, tout comme l'exposition Pixar qu'il y avait eu et Ghibli. Pour même bien. Si pour faire critiquer un peu, je trouve que c'est un peu cher. Bon, c'est très bien. Donc c'est transmis auprès d'Art Ludique tout de suite, qui nous écoute. De toute façon, je peux être méchant, ils n'ont pas voulu faire de partenariat avec l'AFCA pour la fête d'animation. Pardon, excusez-moi, les méchants, cher Ludique. C'est ça d'être trop tendance. Un appel à candidature, ça je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et il n'y a pas beaucoup de place. Une formation sur écran d'épingle, ce sera la semaine juste avant le festival d'Annecy. Donc les 10, 11 et 12 juin, vous avez jusqu'au 31 mars pour candidater. et il y a 10 places. Voilà. Ou plutôt 9, parce que je sais qu'il y en a une qui est déjà réservée pour quelqu'un qui fabrique son propre écran d'épingle et qui va se reconnaître. Ah oui, d'accord, on le reconnaît tous. Bonsoir. Bon, les private jokes, c'est fini. Par contre, peut-être, Marco, comme on a un petit peu de temps, l'écran d'épingle, c'est vrai qu'on on en parle beaucoup. On sait, les auditeurs, alors une partie des auditeurs, c'est peut-être pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'écran d'épingle, en fait? L'écran d'épingle est tout, ouais. En fait, l'écran d'épingle est un objet, quand on le voit, on comprend tout de suite, mais il est assez difficile à décrire. J'essaie, donc il s'agit d'un carré vertical, donc une planche, qui est percée de plusieurs milliers de trous. Et chaque trou est traversé d'une épingle. On se retrouve donc devant une surface de laquelle jaillit des milliers d'épingles. Et selon que l'on appuie sur les épingles ou que l'on tire sur les épingles, on crée des effets de lumière ou d'ombre. Et donc, à la suite de chaque déplacement des épingles, on fait une image et donc, au bout du compte, on obtient un film d'animation. C'est un objet unique et atypique dans l'histoire de l'animation. Bon, on sait que c'est une invention française, d'ailleurs. Alexandre Alexeyev et Claire Parker. L'objet a été introduit chez nous dans les années 1960. Alexeyev et Claire Parker avaient d'ailleurs donné une masterclass sous l'égide de Norman McLaren. Par la suite, Jacques Drouin a été celui donc qui a repris le flambeau. Plus récemment, Michel Lemieux, donc qui a réalisé Le Grand Ailleurs et Le Petit Ici. Et voilà, l'écran d'épingle est un objet vraiment unique. Ça ressemble à rien d'autre. Et c'est pour ça que j'arrive plus ou moins bien à le décrire. J'espère que c'est clair, mais je pense que là, on aura l'occasion donc de pouvoir en voir un. En chair et en os, pourrait-on dire. En épingle et en trou. Juste une petite question par rapport à l'écran d'épingle aussi. Jusqu'à présent, il y a toujours eu une seule personne qui s'occupait de l'écran d'épingle, puisqu'il n'y avait qu'un écran d'épingle. On parle depuis quelque temps d'un deuxième écran d'épingle qui aurait été restauré et qui pourrait fonctionner. Je me demandais si tu avais des informations sur cette restauration de l'écran d'épingle. C'est une restauration qui est faite ici, en France. Par le CNC, Ouais, j'ai pas trop d'infos, malheureusement. Je sais que c'est en cours. Ce serait formidable, donc, qu'il puisse y avoir un deuxième appareil ici. Alors, c'est à suivre. Oui, c'est à suivre. A priori, par rapport à ça, effectivement, alors, le CNC a fait une plaquette très officielle parlant de la restauration de l'écran d'épingle. On pouvait la trouver sur le site sur le stand du CNC à Clermont-Ferrand. L'idée, c'est que cet écran d'épingle, après, devrait se retrouver, en fait, à Valence. Et que donc, dans le cadre de la Poudrière, donc qui est l'école d'animation qui dépend un petit peu du studio Folimage, on pourrait avoir accès. Les étudiants déjà de la Poudrière. Alors effectivement, tout ça sera à suivre. Mais les étudiants de la Poudrière et peut-être aussi des étudiants de l'extérieur et des cinéastes à cet écran d'épingle et pouvoir travailler dessus et faire effectivement, pourquoi pas, des films sur écran d'épingle en dehors de celui qui effectivement existe à l'ONF. Il y a Maurice Blackburn, le compositeur, qui a travaillé beaucoup d'ailleurs avec McLaren, qui a réalisé un film à l'écran d'épingle dans les années 60. Qui s'appelait Cinécrime, et c'est le seul à avoir fait un seul film à l'écran d'épingle. Tous les autres animateurs qui s'y sont risqués ont adopté l'appareil et l'ont gardé avec eux durant toute une vie, que ce soit Alexeyev, que ce soit Jacques Drouin. Dans le cas de Michel Lemieux, ça a été un coup de foudre, et je pense qu'on ne peut pas aborder cette technique autrement que par un coup de foudre à cause de sa complexité, à cause aussi de son caractère unique. Et l'initiative donc qui vise à faire revivre, en tout cas à accroître le rayonnement de l'appareil, sont formidables. Espérons que ça va donner d'autres vocations, parce que l'écran d'épingle, comme on le sait, c'est à mi-chemin entre les techniques anciennes et le numérique. La surface de l'écran d'épingle, c'est semblable à une multitude de pixels. On le sait, et en même temps, c'est une technique analogique, physique, donc il suffit de pousser, de tirer sur des épingles. Et en même temps, une image à l'écran d'épingle recèle l'univers. Il y a quelque chose de fantastique dans cet appareil. Bon, les réalisateurs ont essayé Jacques Drouin notamment, essayer d'introduire la couleur par toutes sortes de procédés artisanaux. On va voir ce que va donner la suite d'ici quelques années, sûrement. Et notamment, cet appel à candidature pour une formation sur écran d'épingle, qui fait effectivement beaucoup parler les étudiants. J'ai l'impression. Après, il y a quelques autres infos sur écran d'épingle, je ne vais pas en parler tout de suite, on va voir avec Alexis si on en parle, ce n'est pas officiel. D'accord, alors on n'en parle pas pour l'instant. Oui. Continuons. Un appel à films pour le festival Les Nuits Coquines, ça sera jusqu'au 31 mars. Le festival aura lieu du 21 au 23 mai au cinéma Le Festival à Bègles. Donc je pense que le nom du festival est assez explicite. Si votre film a été refusé à mon premier festival parce qu'il était un peu trop chaud, profitez-en. Non, allez aux Nuits Coquines. Donc continuons alors. Un concours de court-métrage, donc ce sera pour amateurs et professionnels. Ce sera jusqu'au 3 mai. J'ai pas encore la date exacte de la diffusion, ça sera fin mai au Mureau. Donc c'est l'association Contrechamp qui organise ça, et le thème c'est la magie du ou au cinéma. Fort bien, et alors après tu as sorti salle et tu as dit il n'y en a pas beaucoup en fait des sorties salles. Il y a une seule sortie salle. Au mois de mars, il n'y a qu'une sortie salle en anime. En tout cas, j'en ai trouvé qu'une. D'accord, ok, bon, je veux bien. Parle-nous de la tienne. Alors ça sera Les Contes de la Mer. Ce sera trois courts-métrages en fait, un allemand, un tchèque et un chilien. Le petit bateau de papier rouge, une traversée à vapeur et le bonhomme de sable. Fort bien. Et j'ai aussi une sortie DVD quand même. Alors vas-y, annonce. Que j'ai piqué sur le blog d'Alexis, que ça m'a semblé vraiment super. C'est un DVD Norman McLaren qui est sorti le 20 février. Ce sera le 12 des meilleurs films de Norman McLaren. On peut acheter. Comment ça s'appelle les éditions des films du Paradoxe. Les films du Paradoxe, voilà. Alors, écoute, merci pour cet agenda. Tranquillement, monsieur Alexis Huneau vient donc d'arriver pour quand même faire ce qui est a priori son émission. Donc, non, mais je ne t'ai pas encore donné le micro, il ne marche pas. Donc, pour l'instant, moi, je continue cette émission que, de toute façon, je comptais bien un jour récupérer. Il faut dire ce qui est. Alors, je ne sais pas, Nicolas, tu as eu des instructions contradictoires. Est-ce que tu es prêt? Parce que je pense que là, on pourrait faire une pause musicale. Donc, soit tu lances l'instruction contradictoire qui va effectivement, soit tu lances mon instruction initiale. Ah. Donc, Nicolas, c'est toi le maître à bord. Vous êtes bien sur l'antenne de Radio Libertaire, c'est bien Bulle de Rêve. Petite pause musicale. I've seen many things, I've heard many more. When you go, I'm Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, 01 43 71 89 40, le numéro de téléphone de notre studio. Alors oui, ça y est, Alexis Huneau est arrivé, donc je me contente de désannoncer cet album marqué par la grâce, qui est le nouvel album de Kyrie Chrismanson, avec le Quatuor Voicé. On a écouté un titre qui s'appelle Modern Ruin. Kyrie Chrismanson sera sur la scène du Café de la Danse le mercredi 1er avril. Et sincèrement, c'est un album en hommage aux femmes troubadours. Elle a retrouvé des textes, et c'est vraiment, voilà, c'est juste un album inspiré par la grâce. Donc, Kyrie Chrismanson, qui est canadienne, hein, il faut pas l'oublier. C'est à découvrir de toute urgence. C'est son deuxième album, quand même. Merci beaucoup à Francis. Désolé, il faut éviter de prendre la voiture le samedi après-midi à Paris. Je n'ai pas le permis, donc c'est quelque chose que je ne sais pas. Valentine essaie de trouver une place, elle va nous rejoindre maintenant. J'étais à la clôture d'Image par Image. Je m'en excuse évidemment, je m'en excuse auprès de mes invités. J'étais à l'heure. Et voilà. Vous savez qui est autour de cette table et j'en suis très honoré et très fier. D'autant plus, évidemment, je suis d'autant plus déçu d'arriver en retard. On a une heure 20 d'émissions, on va supprimer tant pis toutes les musiques, ça va être un peu dur mais au moins voilà, on va pouvoir parler, voilà. Ça va faire comme d'habitude. Merci donc à Francis qui vient de partir, évidemment maintenant il a plus le micro principal, donc il s'en va, ça m'étonne pas de lui. La musique que vous avez entendu la différence entre Francis et moi-même, puisque Francis c'était évidemment une jolie voix féminine, moi le générique c'était House of Cards, puisque la troisième saison commence ce week-end, série évidemment avec Kevin Spacey qui nous et Robin Wright, sublime, qui nous parle évidemment, les deux sublimes, hein, qui nous parle de cette complexité du pouvoir et quand le pouvoir atteint aussi les gens, évidemment lancé par Netflix, une des premières de Netflix, produit par elle-même. Ce n'est pas du tout de l'animation, c'est pour ça que je vous en parle, bien évidemment. Aujourd'hui, on a Marco, et je vais demander, parce qu'on est complètement là-dedans, dans l'improvisation, évidemment, mais vous êtes habitués, si vous écoutez Bulle de Rêve, je vais demander à Nicolas de passer le numéro 3, le petit générique numéro 3, la petite musique numéro 3. On a reconnu, Marco, évidemment, tu as reconnu. Oui. la musique, enfin la bande son hein, de la bande annonce des sommets de l'animation de Montréal 2012. Mm-hmm. Donc cette belle aventure que tu as mis en place, la bande annonce était faite par Nicolas Ménard. Voilà, donc réalisateur qui, en devenir, qui monte de plus en plus, hein, enfin, au Royal College of Art. Oui, d'ailleurs, je me permets d'indiquer que j'étais au jury de la compétition internationale au festival Anima à Bruxelles la semaine dernière. On devait remettre un prix pour la meilleure production professionnelle internationale et aussi un prix pour la meilleure production étudiante internationale. Et c'est à l'unanimité qu'on a remis le prix étudiant à Nicolas pour son film Loop, Ring, Chop, Drink, qui avait d'ailleurs reçu le prix étudiant à notre festival Les Sommets en décembre. C'est un film formidable. C'est un compatriote, alors j'en suis très content. C'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup de talent. Alors, on va évidemment rentrer dans le vif du sujet qui est en deux parties. Hein. Le travail de Marco de Blois depuis maintenant quelques années, à la fois à la Cinémathèque et au Sommet de l'animation donc à Montréal et à Québec. On va faire juste un petit quelque chose. On va prendre, alors qu'on est là, on est en direct, on ne devrait pas, mais je vais demander à Nicolas de passer le numéro 4. S'il te plaît, on ne va peut-être pas l'écouter en entier, mais j'aimerais bien qu'on l'écoute. Un tout petit peu, on écoute et on revient juste après avec Marco, Nicolas, Rémi et bien sûr Francis. On écoute. Tu sais qu'il y a Marco qui est là cet après-midi à Bulle de Rêve. Et donc, bah voilà, je voulais savoir un peu ton point de vue et ce que tu as vécu quand tu es parti au Sommet de l'animation à Montréal. Alors moi, ben, les Sommets de l'animation, c'est évidemment, c'est passé par Marco. Ça a été évidemment pour moi une énorme surprise quand je l'avais rencontré l'été d'avant lors du Festival d'Annecy, donc en 2013. Il avait déjà remarqué mes travaux sur Internet et autres. Et ça a été une énorme surprise quand l'été, il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir au Canada? J'ai dit, ben, écoute, c'est complètement inattendu et ça m'a énormément fait plaisir. Et d'ailleurs c'est en ça que effectivement j'ai été accueilli absolument incroyablement au Canada, au Québec et à Montréal. Alors voilà, donc ça c'était un petit témoignage d'Alexandre Dubosc et un autre témoignage qu'on va lancer juste maintenant. Bonjour. Bonjour. Salut, donc tu peux pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Et non. Puisque tu es à Cannes. Oui, ah. Oui, je viens d'avoir la palme d'or, là, de la décharge de batterie de l'iPhone. on est beaucoup à la voir au bout d'un moment donné. Non, alors, je voulais quand même que tu parles, et je sais que tu voulais parler pour... parce que je t'ai dit aussi cette semaine, déjà, en fait, on avait l'idée que tu fasses un petit mot... pour Marco, que tu lui parles un tout petit peu. Et puis, je t'ai dit donc cette semaine que les sommets de l'animation, Marco m'avait dit que malheureusement, les sommets d'animation n'auraient sûrement plus lieu de cette. Ben, voilà, en tant que festival. Je sais que toi, tu y as été. Oui. Et ben, j'ai eu cette chance. Ouais, c'est quoi ton souvenir des sommets? Bah, c'est à cette occasion que j'ai rencontré. Ah non, j'avais rencontré, je pense, un Annecy avant. Il a eu la gentillesse de m'inviter pour donc les sommets qui se tenaient au mois de, je sais plus, novembre, il me semble. Ouais. Et j'avais découvert un festival parce qu'en fait, moi, je suis extrêmement peiné de la disparition des sommets de l'animation, même. Je fais confiance à Marco pour qu'il se retourne et trouve une nouvelle solution. Mais parce que je trouvais qu'il manquait bien ça à Montréal, en tout cas, c'est qu'il manquait vraiment un événement important sur le cinéma d'animation, de manière spécifique. Il y a un très beau festival à Montréal de court-métrage, mais là, spécifiquement, les semaines de l'animation. Était dirigé vers la création de films de court-métrage assez diligents. La programmation était très bonne, enfin je trouve. Donc Marco, en tant que directeur et programmateur, faisait un travail assez remarquable. Et il a eu la gentillesse de m'inviter pour faire une conférence sur mon boulot. Voilà. Et la salle était comble. C'était une salle pas énorme, mais assez importante. Et la salle était absolument comble, t'avais des gens sur les marches et tout. J'ai été très très surpris de l'engouement. Donc il y a un véritable engouement à Montréal vis-à-vis du cinéma d'animation, ce qui est assez peu surprenant au regard de l'historique et la culture québécoise quant au cinéma d'animation. Pour rappel, c'est quand même l'endroit en lieu et place de l'ONF, l'Office national du film canadien, qui a eu ses heures de gloire avec McLaren au début, et puis qui a continué après, qui porte une politique assez forte en termes de soutien de films d'auteurs. Et Marco, je trouve que son festival, Les Sommets de l'Animation, parce que j'ai beaucoup de mal à distinguer Marco du festival, tellement c'est lié, je trouve porter quelque chose qui allait dans ce sens et qui était important au regard de la culture même du cinéma d'animation au Canada. Alors on sait qu'il y a Ottawa, bien sûr, mais Ottawa c'est un festival international, ce que sont les sommets également, hein. Mais là il y avait aussi, je trouve, l'exigence de quelqu'un, alors je sais pas comment faire vraiment le distinguo, mais de peut-être plus regardant au regard de la sélection régionale, parce qu'il faut parler de région, c'est un peu compliqué, ils sont compliqués les Canadiens. Il y a 7 millions de gens qui parlent français, il y en a 23 millions qui parlent, je ne sais plus les chiffres, anglais, enfin bon. Ottawa, c'est beaucoup plus, on s'en fout de la langue, etc. Tandis que là, il y avait quand même l'importance de mettre en avant le cinéma québécois, qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et je ne le dis pas uniquement parce que j'ai beaucoup de copains québécois, mais je trouve que c'est un cinéma vraiment très, très intéressant et très exigeant. Voilà. Ouais, et donc ça, c'était... Juste pour bien comprendre, parce que ben moi j'y suis jamais allé, mais il y a cette idée de, quand tu dis j'ai du mal à faire le distinguo finalement entre Marco Deblois et les sommets, c'est quelqu'un qui est présent tout le temps, on le sent, enfin on sent le, voilà, son implication. Oui, alors on va faire ça un petit peu. On a perdu du temps. Il y avait normalement, c'était 6-7 minutes. On le mettra sur The Web Anime, sur Bulle de Rêve. Mais évidemment, Marco, je pouvais pas faire autrement au départ. Tu m'avais dit, bah tiens, je suis à Paris, c'était un bonheur de te recevoir. Et cette semaine, tu nous annonces que, voilà, ouais, les semaines d'animation, a priori, vont se stopper, en tout cas sous cette forme-là. Oui, l'existence des sommets sous leur forme actuelle est remise en question. On a dîné ensemble, on a déjeuné ensemble plus tôt cette semaine, et je te l'ai annoncé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à quelques personnes, je l'ai dit à Nicolas plus tôt cette semaine. Ça a été un processus de réflexion assez long, pas facile, assez difficile. Pour moi, comment dire, c'est un mélange de tristesse et un peu de colère aussi devant la situation. Mais disons que la situation est la suivante. Les sommets ne sont pas une organisation autonome, une association, au sens administratif du terme. Et c'est aussi bien à Québec qu'à Montréal. À Québec, les sommets sont intégrés dans la programmation d'Antitube, qui est un diffuseur de films et de vidéos. Et à Montréal, c'est intégré dans la programmation régulière de la Cinémathèque québécoise. Ce qui signifie, et donc là, je fais référence à des facteurs externes, ce qui signifie que l'événement n'est pas éligible à aucune forme d'aide publique, parce que l'événement n'existe pas au sens administratif du terme. Et je vais dire quelque chose de très trivial, mais s'il y avait d'autres organisateurs de festivals autour de la table, je pense que tout le monde dirait la même chose. Faire un festival, ça coûte cher. Ça coûte très cher parce que, bon, de un, on veut avoir une programmation excellente, et de deux, un festival doit avoir une structure d'accueil, une capacité d'accueil, et inviter des gens, ça coûte cher. Première difficulté. L'autre difficulté, c'est que les sommets devaient donc être soutenus par la Cinémathèque et par le personnel de la Cinémathèque. Et la Cinémathèque, comme vous le savez, bon, c'est un musée, c'est un centre d'archives, déjà, ça nous occupe beaucoup. Et il y a une programmation à l'année à la Cinémathèque, une programmation d'animation à l'année à la Cinémathèque. Et donc, on devait se mettre en mode festival, sans moyens, durant 7 jours, On sait que produire un festival, ça demande énormément de temps et d'énergie au plan administratif et aussi au plan communicationnel, marketing. Il y a des festivals à Montréal, je pense par exemple au Festival du Nouveau Cinéma, qui a des campagnes promo formidables et ils réussissent à faire un événement porteur et qui a beaucoup de rayonnement. Chez nous, c'était très dur. Et j'en suis venu à la conclusion, j'en ai parlé avec des collègues au travail, et tout le monde était d'accord, mais tout le monde accueille l'idée quand même avec un peu de tristesse, mais les sommets sont devenus une aventure malheureusement non viable. Et c'est la raison pour laquelle nous réfléchissons à une autre formule pour les années suivantes. Ce que je trouve vraiment regrettable dans la situation, c'est que, ben, Franck, on parlait très bien tout à l'heure, Franck Dion, bon, un festival, c'est pas un lieu de contemplation de films. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. À la Cinémathèque, on présente des films continuellement et on présente des installations, donc les gens viennent voir des œuvres. Mais un festival, c'est aussi un lieu d'émulation. C'est un lieu de camaraderie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de formation. Et c'est ce qui manquait à la Cinémathèque, c'est ce qu'il n'y avait pas à Québec non plus. Et c'est la raison pour laquelle on a pris la décision de créer cet événement de façon à ce que le milieu québécois de Montréal et de Québec puisse saisir cette chance de vivre à l'aventure d'un festival. Et moi, je connais des gens qui se sont rencontrés au sommet, je connais des gens qui ont découvert des films. Je sais que, bon, il y a des cinéastes qui ont découvert, par exemple, le programme Cinéastes recherchés de l'ONF dans le cadre des sommets. Ça sert à ça, un festival. Mais il faut se rendre à l'évidence que nous n'avons pas la capacité, aussi bien pour des facteurs internes qu'externes, de pousser l'événement et de le développer davantage. Alors, voilà, Valentine arrive avec, avec à boire, et puis, c'est pas que on va fêter quand même les choses. On va parler évidemment des sommets, mais aussi on va en profiter puisque bon, c'est rien, mais comme hier évidemment c'était l'anniversaire de Marco. voilà, alors c'est évidemment tout sauf fait pour la radio, mais j'ai eu 27 ans. Mais ouais. voilà, il a eu. En plus, il l'est fait. Donc, 27 ans, bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, bon anniversaire. Moi, je sais pas chanter, on peut chanter. Alors, description en direct. Voici un petit gâteau avec des bougies allumées qui arrivent à l'instant et tous les gens fort sympathiques autour de la table. Merci à tous, vous êtes formidables. Ben, voilà, donc happy birthday to you. Happy birthday to you, Marco. Happy birthday to you, Marco. Happy birthday to you. Vous êtes superbe, Francis. Voilà, des petits gâteaux donc faits par Valentine elle-même. C'est toi qui les as fait. Financier, voilà, ouais. Tout à fait. Ah oui, fait maison. Et voilà, donc on va. Est-ce qu'on peut manger des gâteaux en ondes? Bien sûr. À Bulle de Rêve, on peut tout faire. Ah ouais. Je suis pas sûr dans l'émission de Francis, mais oui. Mais Bulle de Rêve, on émission, on boit que du champagne. donc on va faire ça. J'ai demandé quand même à quelques personnes et je les dirai de temps à autre. Ça a été très rapide. Il y a quelques personnes juste, mais voilà un petit mot d'Igor Prassel quand je lui ai annoncé en effet que ça a été. Et je lui ai juste demandé, bah voilà, un petit mot sur toi. Et donc il l'a écrit en anglais évidemment. Igor Prassel, directeur d'Animateca. J'ai rencontré pour la première fois Marco à la Cinémathèque québécoise il y a plus de 10 ans, et comme il est l'un des rares spécialistes dans l'animation, de l'animation à l'intérieur de la Cinémathèque, il m'a beaucoup aidé, notamment avec mon mois, lui qui faisait sa Cinémathèque, donc à Animateca, les mois de la Cinémathèque comme ça qu'il fait. Marco a aussi servi comme membre du jury au festival, et c'est là où j'ai découvert pendant ce festival, ses pensées critiques et sa pensée critique et son analyse sur les films. Dernièrement, mais sûrement pas, last but not least, sans l'aide de Marco, nous n'aurions jamais pu présenter une presque complète rétrospective de McLaren à la Cinémathèque slovène en 2014. Non seulement il l'a programmé, mais on a eu le plaisir aussi d'avoir Marco qui a brillamment introduit chacun des huit programmes chronologiques et thématiques. Recherche à chaque fois que je peux le plaisir de rencontrer Marco, de parler avec lui de la vie, de l'animation autour d'un verre de bière ou d'un bon verre de vin avec lui. Donc voilà. Ça suffit, les témoignages, on dirait que je suis mort. Non, alors c'était pas justement, ça fait un peu en effet, même Franck dit j'avais. Non, c'était juste que je voulais. Moi, j'ai pas eu le plaisir de venir, mais et on entendra d'autres personnes. On sent dans la Cinémathèque l'envie, dans les sommets de l'animation, ton envie de, comme tu disais, de vraiment faire rencontrer du monde. C'est le rôle essentiel d'un festival, c'est ce que je disais tout à l'heure. Écoutez, Montréal est une ville, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals, et point de vue de la culture, c'est une ville où, où il y a beaucoup de concurrence entre les organismes, entre les événements, et la Cinémathèque faisant de la programmation toute l'année, faisant de la programmation d'animation, par exemple, toute l'année, ce qui devient régulier n'est plus événementiel. Et ce qui fait que, bon, parfois on peut avoir des salles excellentes, il n'y a pas de problème, mais venir voir des films, bon, parfois on invite un réalisateur, le réalisateur peut rencontrer les gens, c'est formidable. Mais il y a cette idée d'un espace, d'une durée qui se fait sur 5 jours, 6 jours, 6 jours, qui pour moi est l'essentiel culturel, éducatif d'un festival. Et c'est pour moi, c'est ça l'importance d'un événement comme les sommets. Est-ce qu'il y a une vision pédagogique? Parce qu'en effet, tu peux oui, avoir oui. gérer une rétrospective de prix de Parme, comme il y a pu avoir extraordinaire avec plein de choses. Mais là, d'un seul coup, il y a aussi être en, enfin, en rapport avec ce qui se fait aujourd'hui dans, dans l'immédiat, dans l'animation, et avec Concordia, avec évidemment pas mal d'écoles qui travaillent l'animation. C'est bien, c'est important ça. Oui, bien sûr. Tu vois, les sommets constituaient... bon, on recevait beaucoup de soumissions de l'Université Concordia pour les programmes étudiants. Et donc, évidemment, c'est un débouché. Concordia est contente de savoir que donc un événement au Québec. Et l'aspect québécois est pour moi aussi important. Moi, le Festival d'Ottawa, qui est un festival international qui existe depuis 1976, un festival important, le plus important en Amérique du Nord. C'est un festival incontournable. Mais pour la population québécoise, il me semblait essentiel qu'il y ait un événement du genre. J'entends souvent qu'on est la Mecque de l'animation au Québec. C'est Montréal, on est, bon, McLaren, l'ONF. Oui, c'est vrai. Mais si le cinéma québécois a, par exemple, donné d'excellents documentaires, alors faisons un festival. Ben, en effet, il existe un festival de films documentaires à Montréal qui est formidable, qui s'appelle les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Mais c'est la même chose pour l'animation. Et c'est ce qui manquait, c'est donc ce désir de faire un événement pour les gens, chez nous, les invités, d'aller à la rencontre de l'autre, donc des invités. En fait, l'événement est né il y a plusieurs années de la constatation suivante. Pourquoi je devais aller dans des endroits exotiques comme Zagreb, Annecy, Hiroshima pour rencontrer des Québécois? Il n'y avait pas un événement pour ça chez nous. Donc, voilà comment est né les sommets d'un désir. Mais malheureusement, ça me semble pas avoir donné les résultats espérés. Ou en tout cas, pour nous, c'était devenu insoluble. Nicolas, parce que c'est important, toi, tu as été, et c'est vrai que on va pas changer cette émission, mais quand même, quand, je sais pas, quand Marco me l'a annoncé, j'avais l'impression que d'un seul coup, les sommets atteignaient là une vraie renommée internationale, c'est-à-dire que, ben voilà, moi j'avais envie d'y aller, je pense qu'on était plusieurs à se dire, ah bah tiens, on a envie d'aller maintenant au festival, et d'un seul coup, en effet, l'arrêt est surprenant. Toi, tu l'as vécu comment, donc, cette manifestation l'année dernière? Alors, l'année dernière, c'était vraiment, vraiment excellent. C'est vrai que j'avais pas eu du tout cette impression de... Nicolas était à Québec. Ouais, j'étais à Québec. C'est vrai que j'ai pas fait la partie Montréal, j'ai juste pu faire la partie à Québec. Mais c'est vrai que même si j'avais l'impression déjà que au niveau de la presse, c'était extrêmement bien mis en avant. C'est-à-dire qu'il y avait une couverture vraiment importante, que l'événement n'était pas justement un petit événement, mais un événement quand même assez vraiment très très important dans la vie culturelle de Québec, de la ville de Québec, notamment par toute la couverture qu'il y a eu. Et c'est vrai que ça m'a vraiment vraiment surpris quand Marco m'a annoncé que le festival allait se terminer, parce que d'autant plus que la programmation était vraiment vraiment excellente, c'est-à-dire très riche, très variée, avec vraiment des intervenants qui venait de partout, avec notamment par exemple Ilan qui présentait deux programmes, enfin Ilan Nguyen qui venait présenter deux programmes japonais extrêmement rares, que Marco a fait venir les copies justement depuis le Japon en 35 mm. Ça aussi c'est quand même très très important à signaler, c'est-à-dire c'était vraiment des pellicules, de la pellicule, des films restaurés. Il y avait une programmation internationale qui était importante, avec des films évidemment qu'on avait déjà vu un peu à côté, mais avec des nouveaux films, notamment le film de Yergi Kushia, qui est pas évident à trouver ni à voir, justement, qui était même pas non plus présent à Clermont-Ferrand cette année, mais qu'on avait pu découvrir notamment à Québec. Ça a été notre prix du public d'ailleurs, voilà. Ça j'étais très content. Wow, très mérité. Un beau prix du public, ça. Ouais, très content. Très Et donc oui, c'est vrai que c'était quand même... Il y avait aussi des invités qui étaient vraiment importants, assez prestigieux, notamment Robert Morgan, par exemple, donc grand animateur. Sur lequel tu as écrit voilà, à toi un grand texte aussi. Ouais, et spécialisé dans l'horreur. Et c'est vrai que la dimension conviviale aussi était très importante, ça j'ai pu le voir. Le fait de pouvoir aller une soirée dans un bar à Québec, jouer à Tetris sur borne d'arcade avec Robert Morgan, c'était quand même quelque chose. Et Ilan. Et Ilan aussi, wow. Par exemple. Qu'un grand fan, hein. Le jeu vidéo, il le dit pas, mais. Donc voilà, non, mais c'est vrai que ces dimensions-là, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est vraiment un endroit où on peut découvrir les gens, parler avec les gens, où on peut rester avec les gens, où on a vraiment du temps à passer avec eux. Et ça, on peut pas vraiment faire ça dans tous les festivals où on prend souvent les invités à droite, à gauche, qui courent partout et qui ont pas le temps de faire grand-chose. Et c'est vrai que toutes ces dimensions-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment très important. Alors, tous les témoignages, Marco, que j'ai pu avoir, je les remercie parce que, en gros, on s'est vu mercredi, j'ai envoyé des mails mercredi soir, donc ça a été vraiment très très rapide. Tous les témoignages n'étaient pas pour justement l'idée de. L'idée c'était quel regret que ça puisse s'arrêter. Et c'était vraiment ça. Et ce que disait juste, j'ai pas pu, j'en ai fait un tout à l'heure, malheureusement, qui n'a pas marché. Il y a eu un problème d'enregistrement, mais je retranscrirai. Que Ilan, juste avant de prendre son avion, il prenait l'avion tout à l'heure, donc à l'aéroport, on s'est eu au téléphone, qui me disait à quel point, justement, la plupart des festivals avaient abandonné, notamment le côté rétrospectif, avaient abandonné ça, et qu'en effet, la chance de pouvoir avoir un double programme comme ça, japonais, en 35 mm. Était une dimension qui était exceptionnelle et dans la convivialité, tout le monde m'a dit ça, la convivialité et cette dimension aussi. Alors, c'est pas pour ta modestie, mais en tout cas, très très bon sélection, très bonne sélection et cette volonté. Toi, tu l'as créé, tu t'as dit, parce que tu sentais que c'était important à Québec, mais comment tu l'as créé ce festival, à force d'aller, comme tu disais, t'as vu, tiens, il manque ça maintenant un peu dans tel festival ou dans tel festival et Ça a été ce désir, comme je le disais tout à l'heure, de créer un événement pour Montréal et Québec, donc faudrait qu'on puisse se voir chez nous à la maison et non pas dans des festivals à l'étranger. Il faut par ailleurs savoir que bon, ma prédécesseure, Louise Baudet, une femme dont l'œuvre est remarquable, avait pris l'habitude depuis le début des années 70 de programmer régulièrement ce qu'on appelait à l'époque les best-of, c'est-à-dire un best-of d'Annecy, un best-of de Zagreb, un best-of d'Hiroshima, un best-of d'Ottawa, donc une sélection des meilleurs films d'animation ayant été repérés par Louise. Et c'était fait parfois en collaboration avec d'autres institutions en Amérique du Nord, comme par exemple le Musée d'art moderne de New York. Alors, il y avait une tournée. Et c'est un rendez-vous très important à l'époque pour voir des films d'animation récents, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'aller voir des films d'animation à l'époque. Mais l'héritage de Louise a fait que plusieurs festivals à Montréal se sont davantage ouverts à l'animation. C'est le cas, par exemple, du Festival du Nouveau Cinéma, qui présente maintenant régulièrement des films d'animation. Et moi, j'avais donc poursuivi le travail de Louise en faisant ma sélection, en la proposant aussi à Québec. Mais je constatais que cette programmation n'avait plus le caractère unique qu'elle pouvait avoir à l'époque, étant donné que plusieurs événements chez nous présentent des films d'animation. D'où l'idée de créer un festival qui s'appelait Les Sommets du cinéma d'animation. En fait, notre rétrospective, au début, s'appelait Les Sommets du cinéma d'animation. C'est né en 2003 et c'est devenu un festival en 2008 et un festival avec jury en 2010. Et la formule festival me permettait, d'un côté, d'essayer de jouir d'une certaine visibilité médiatique, ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, au moins quand on est dans l'événementiel, les médias, il y a plus de chances que les médias s'intéressent à nous. Et c'est aussi, paradoxalement, pour avoir les films de la compétition internationale, je parle juste de cet aspect-là, c'est moins coûteux. Parce que, comme on est en compétition, comme on a une compétition, les gens vont soumettre leurs films et on va pouvoir avoir les films gratuitement. Tandis que lorsqu'on fait un programme de type rétrospective, les gens vont nous demander, ce qui est bien normal, donc des frais de location, des cachets, ça peut être assez cher à l'occasion. Donc, c'est cette série donc de facteurs qui ont mené à la création de l'événement. Oui, il y a quelque chose quand même qu'étonnant. On a entendu juste un tout petit peu avant Franck Dion, Alexandre Dubosc. Il disait que c'était la première fois que quelqu'un lui proposait de venir. Robert Morgan, je pense pas qu'il était maintenant, ça commence, mais dans beaucoup de festivals, si, il a beaucoup de rétrospectives. Et à Annecy, par exemple, Marco avait présenté Robert Morgan Annecy il y a 2 ans. Oui, mais y a, oui, c'est ça, ouais, c'était déjà toi qui plus en ou fait, moins, enfin, moi, je l'ai découvert aussi. En fait, Robert était davantage connu à Montréal au Festival Fantasia, bien à sûr. Cause de la nature du festival, d'un festival de films fantastiques, de films de genre, donc on sait que Robert, ça donne au cinéma d'horreur animé. Alors, il était déjà connu à Fantasia, et là, pour la rétrospective qui s'est tenue chez nous, on a pu d'ailleurs compter sur le soutien de Fantasia qui a relayé l'info de notre programmation sur les réseaux sociaux. Donc oui, Robert était déjà un peu connu chez nous, mais pas tant pour dans la communauté de l'animation. Et moi, j'aime bien présenter quelqu'un comme Robert Morgan aux gens qui font de l'animation pour leur montrer, mais regardez, là, l'animation, c'est pas juste des jolies choses, là. Non. Justement, message d'un des premiers jurés, Nicolas Brault, qui m'a envoyé un petit message. Alors, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, je me permets de saluer toute l'équipe de Bulle de Rêve que j'ai eu le bonheur de rencontrer suite au Festival de Bruit en décembre dernier. J'ai humblement accepté l'invitation d'Alexis me proposant d'écrire un bref mot sur les sommets du cinéma d'animation et sur son désormais célèbre instigateur Marco de Blois. Il me semble important de témoigner de l'importance qu'a eu cet événement dans ma carrière de cinéaste, dont la naissance, si mes calculs sont exacts, coïncide parfaitement, avec mon arrivée à l'ONF en 2000. J'ai donc suivi de près le long mûrissement des sommets qui, grâce à Marco, a pu jouir, depuis 14 ans d'ensoleillement constant qui nous permet aujourd'hui d'en cueillir les fruits. Selon moi, les sommets sont, pour l'instant, la seule idée concrète et actualisée qui œuvre directement au développement d'une communauté en cinéma d'animation à Montréal et plus largement au Québec. Pour cela, je lève mon chapeau à Marco, car cela ne va pas de soi. J'en profite pour souligner l'honneur qu'il m'a offert en m'offrant une place avec le cinéaste Gerd Gockel et la critique de cinéma Hélène Faradi sur le premier jury compétitif des sommets en 2010. Il est intéressant de noter qu'à la dernière édition du Festival d'Annecy, 2/3 de ce jury repartaient avec un cristal. Aujourd'hui, je me plais à voir dans ces statistiques les qualités de visionnaire de Marco. Pour terminer, je dirais simplement que je prête l'oreille à ton émission, Alexis, car il me semble qu'on en apprendra davantage sur l'avenir des sommets, et je renouvelle mes remerciements à Marco pour l'aide et le soutien qu'il a su m'accorder depuis mes débuts en cinéma. Il est rassurant de voir qu'une personne accessible et investie travaille à la bonne santé de notre cinéma animé. Bonne émission à tous, à toute l'équipe, et longue vie à Bulle de Rêve. Donc, merci beaucoup à Nicolas pour ça. J'ai trouvé intéressant, j'ai choisi Nicolas qu'on a eu le plaisir de venir ici, et il dit plein de choses qui sont intéressantes. Il revient sur cette idée de Québec et idée de construire quelque chose, et quand même l'idée de, je sais pas, visionnaire et d'être un mot, enfin, en tout cas de quelqu'un qui est passionné, et il le dit, et Olivier Catrin, donc pas pareil, que j'ai interviewé tout à l'heure mais qu'on n'aura pas le temps d'entendre, le dit aussi, cette passion du cinéma que tu as depuis longtemps. Ben, je pense, Alexis, je pense qu'on est peut-être tous autour de la table, on est différents les uns des autres, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous ressemble, c'est qu'on est des passeurs d'une certaine façon. Bon, tu dis passionné. Bon, j'adore le cinéma. Je n'aime pas que le cinéma, mais j'adore le cinéma. J'aime beaucoup l'animation aussi, que j'ai découvert d'ailleurs à l'Université de Montréal. C'était Marcel Jean qui donnait le cours Histoire du cinéma d'animation à l'époque. J'ai eu la chance d'avoir ce poste à la Cinémathèque québécoise, et pour moi, c'était inouï d'avoir un travail comme celui-là, d'abord parce que le salaire était, bon, décent. Et tout juste avant, je travaillais comme barman. Donc, pour moi, c'était une entrée dans un monde professionnel qui était tout à fait, dans des conditions professionnelles qui étaient tout à fait nouvelles pour moi. Et, bon, évidemment, j'aime présenter des films, mais j'aime aussi vulgariser, j'aime expliquer, j'aime que les gens comprennent. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai commencé à enseigner quelques années plus tard. J'ai donné 2 charges de cours à l'Université Laval, à Québec, vers la fin des années 2000. Et ensuite, 2 charges de cours à l'Université Concordia, en histoire du cinéma d'animation. Et j'aime transmettre ce que j'ai appris, ce que je connais, ce que je sais. J'aime donc aller à la rencontre des étudiants et transmettre. Je ne suis pas un universitaire. D'ailleurs, j'ai pas de baccalauréat. Donc, je suis autodidacte. Alors, c'est très modestement que j'ai acquis, donc, à force de voir des films, à force de lire, à force de fréquenter des gens, ces connaissances en ce qui concerne l'animation. Alors, si c'est ça que t'appelles passionné, ben c'est ça. Et en même temps, bon, moi, j'aime les gens, j'aime rire, j'aime l'humour. Alors, bon, je pense que ça, si on veut faire quelque chose de joyeux et de festif, je pense que j'ai peut-être le caractère idéal pour ce genre de choses. Mais, écoute, la vie est trop, trop courte. Et je pense que si on peut être passionné, ben pourquoi pas, et si on peut transmettre notre passion de notre passion de façon claire et articulée et vivante, ben tant mieux. C'est ce que j'essaie de faire le plus modestement du monde. Mais regarde, en avril, on va recevoir un invité important en cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise, c'est le cinéaste britannique Paul Bush. Ça va être une rétrospective une intégrale. Et la chance que nous avons, c'est que Paul Bush est actuellement enseignant à Harvard. C'est pas très loin de Montréal. Harvard est aux États-Unis, mais c'est pas très loin de Montréal. Alors, il y a quatre programmes, c'est-à-dire trois programmes. Un programme de cours documentaires expérimentaux, un programme de cours d'animation et son long métrage Babeldum. Et Paul Bush va aussi donner une classe de maître. Il y a encore de l'animation à la Cinémathèque, et j'espère qu'encore à cette occasion, je serai aussi passionné donc pour transmettre mon enthousiasme de pouvoir présenter aux gens de Montréal un cinéaste aussi atypique que Paul Bush, qui est pour moi une sorte de McLaren moderne, mais d'une inventivité assez particulière. Mais enfin bref, je m'étendrai pas là-dessus, mais voilà. Comme le dit Franck durant un moment donné, hein, l'idée évidemment, et tous ces témoignages sont là pour ça, c'est... Enfin, évidemment, tout le monde espère qu'une chose, et on le sait, tu vas continuer. Oui. Et donc, il n'y a vraiment pas l'idée, soyons clairs, de se dire « Oh là là, c'est triste, c'est juste que... » Ben voilà, l'annonce était un peu abrupte, oui. Et donc il y a l'idée de se dire, voilà, des témoignages, justement, pour te pousser encore plus à le faire. Est-ce qu'il faut être un peu inconscient, ne pas complètement les connaître, je ne sais pas, succéder à Louise Baudet, qui est si important dans le monde de l'animation, Marcel Jean, et avec ce que tu nous viens de dire, est-ce qu'il faut se dire, c'est évident que c'est extraordinaire, mais ça doit être un peu terrifiant, non? En fait, j'ai succédé à Marcel. Je n'ai pas succédé à Louise parce que Marcel a remplacé Louise. Louise est décédée en 1996, si je me souviens bien. Marcel l'a remplacé peut-être pendant un an ou deux maximum. Marcel est allé ensuite à l'ONF. Le poste de conservateur a été donc fermé pendant un certain temps, mais la Cinémathèque avait reçu une importante subvention pour produire une exposition sur le cinéma d'animation. Et la Cinémathèque était donc à la recherche d'un commissaire pour l'exposition. On m'a demandé de poser ma candidature, ce que j'ai fait, et j'ai donc eu le poste de commissaire d'exposition, tout d'abord. Mais le poste de conservateur était toujours fermé. D'accord. Et donc, le contrat durait un an. J'ai créé l'expo à partir des archives de la Cinémathèque que je découvrais formidable. Alors, j'avais vraiment l'impression d'être privilégié de pouvoir d'avoir accès à ces artefacts précieux. Le poste de conservateur s'est donc ouvert par la suite. On m'a demandé de poser ma candidature. Ce que j'ai fait, j'ai eu le travail. J'ai beaucoup de respect, évidemment, pour Louise. J'ai beaucoup de respect aussi pour Marcel, mais je me sens pas intimidé dans la mesure où Louise et Marcel ont toujours été d'une grande générosité dans la transmission de leur savoir. Donc, philosophiquement, je vois ça de la même façon. Alors, je vois ça en termes de continuité, non pas en termes d'essayer de me mettre à la hauteur de mes prédécesseurs. Donc, je ne sens pas de pression particulière à l'idée de succéder à ces deux personnes. C'est un beau lieu, la Cinémathèque. C'est l'une des seules... Tu dois l'avoir connue, c'est la pour Cinémathèque, ça. Quand oui, tu étais oui, à Montréal. Tout à fait. Oui. Je me rappelle d'une Cinémathèque où il y avait, justement, on pouvait aller voir des séances d'animation et j'avais l'impression de découvrir... tellement un autre monde par rapport à ma Cinémathèque ici que j'aimais bien, dans laquelle j'allais, mais où il n'y avait absolument jamais, jamais, jamais d'animation. C'est assez extraordinaire. Nicolas, Mais justement, moi, je trouve ça vraiment important, le Festival des Sommets de l'Animation, aussi parce que c'est un festival qui vient d'une cinémathèque. C'est-à-dire que le fait qu'une cinémathèque s'intéresse à l'animation déjà et qu'elle organise quelque chose autour de l'animation, donc des séances, mais encore plus un festival pour mettre en avant l'animation, c'est quand même quelque chose aussi qui est extrêmement rare, mais qui est aussi extrêmement important. C'est la valorisation aussi d'une certaine idée du cinéma, d'un certain patrimoine. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a aussi un côté un peu rétrospectif en même temps. Et puis, dans chaque festival, surtout dans les festivals qui ne sont pas gigantesques, mais qui sont peut-être un petit peu plus petits, il y a aussi toujours une perspective critique qui est importante. importante. Et le fait, justement, d'engager une perspective critique autour du cinéma d'animation contemporain et qu'elle se vienne aussi en parallèle de la cinémathèque, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. En tout cas, c'est pas en France qu'on aurait ça, puisque l'animation est cantonnée au secteur jeune public à chaque fois. Peu importe les séances, ce sera les séances jeune public. Et la cinémathèque française a l'air d'être complètement incapable de s'intéresser à l'animation. Le pire, c'est que ce qu'on a vu il y a quelques mois avec l'exposition Henri Langlois, c'est que Henri Langlois, dans ses programmes qu'il faisait chaque mois, il y avait plusieurs séances qui étaient consacrées à l'animation. L'animation expérimentale essentiellement, il y avait du Hegeling, du Richter et d'autres choses comme ça. Mais aujourd'hui, elle est fondamentalement incapable de s'intéresser à l'animation et même pour le centenaire McLaren, complètement incapable de diffuser un court-métrage de Norman McLaren dans un programme même consacré à François Truffaut, Truffaut qui adorait Norman McLaren, comme il l'a très très souvent dit. Et ça, je trouve ça assez hallucinant. Donc oui, merci à la Cinémathèque québécoise, et c'est pour ça que c'était aussi quelque chose de très important que les sommets existent et qu'ils existent par aussi la Cinémathèque québécoise. Alors, petit mot de Philippe Moins. Petit mot de Philippe Moins, voilà. Directeur donc d'Animac. Tu quittes il n'y a pas longtemps, hein, que tu as vu. Donc, sommet de l'animation à Montréal. Bonjour Alexis. J'ai eu l'occasion de participer au sommet en tant que membre du jury il y a 2 ou 3 ans. Je connaissais déjà le festival de réputation et j'avais régulièrement croisé son initiateur au festival d'Annecy. Je savais que j'y découvrirais une programmation futée, tissée main dans la curiosité et la sensibilité. En débarquant à Montréal après 20 ans d'absence, ce qui m'a frappé dans ce festival à taille humaine, c'est la qualité d'accueil des organisateurs et l'exceptionnel retour que l'on pouvait en escompter en termes de contact avec les professionnels de l'animation indépendante, qu'ils fassent partie des invités internationaux ou des professionnels locaux. Pour qui veut rencontrer ceci, les sommets constituent un moment privilégié, dans une ambiance simple et d'une grande chaleur humaine. Au cœur de l'hiver québécois, Marco menait rondement tout cela avec l'humour, la modestie et la gentillesse qu'il caractérise, lui et son équipe. En apprenant les hypothèques qui planent sur ce beau projet, je ne peux que souhaiter longue vie aux programmations animation de la Cinémathèque québécoise, qui est un peu à notre cinéma à nous tous, les gens de l'animation. Et si tu as besoin d'un coup de main pour défendre tes projets, tu peux compter sur nous, Marco. Voilà, c'était un peu, hein, évidemment, l'évidence de ça. Mais je crois que c'est important parce que ce qui m'a épaté aussi, c'est, je me dis, d'avoir Alexandre Dubosc, mm-hmm. Paul Bouche, Franck Dion, Prix de Parnes, mm-hmm. encore une fois, et ce que disait Nicolas, c'est cette vraie diversité qui nous manque, nous en tout cas, en caricature, mais quand même, mm-hmm. qui nous manque beaucoup dans l'animation, notamment en France, alors qu'on est, soi-disant, ce grand pays aussi de l'animation. Mm-hmm. Mais vous avez tout de même, j'y suis jamais allé, mais vous avez tout de même, il me semble, un événement similaire qui se tient d'ailleurs à peu près à la même époque que les sommets, qui est produit non pas par une cinémathèque, mais par un cinéma d'art, c'est-à-dire le Forum des images. Donc, je parle bien entendu du carrefour d'animation. C'est pas similaire. Hein? Ce qui est compliqué, c'est que de temps en temps, il essaie d'avoir des rétrospectives. Il y a eu Okamoto, oui. magnifique aussi cette année. Oui. Il y a eu beaucoup de choses. Et le Forum des images le tente, en effet. Oui. Mais le tente en plus de manière intéressante, puisque sans compétition, il tente de faire un peu autre chose. Donc oui, oui. Ce que disait Nicolas était intéressant, c'est-à-dire que moi je me plains pas, on est plutôt content de ce qui moi, se passe. Moi je disais surtout ça par rapport à la cinémathèque. Voilà, c'est ça. C'était juste que d'avoir. La cinémathèque, c'est un tampon, enfin c'est quelque chose qui fait que d'un seul coup on se dit ah, Trenka passe à la cinémathèque, McLaren passe à la cinémathèque. Donc là il y a quelque chose et c'est vrai que je pense que nous dans mon petit monde de l'animation, on aimerait bien que le cinéma. Et surtout que. On va dire. Et surtout que les Nicolas. Programmes d'école de la. Comment dire de la programmation jeunesse, parce que la programmation jeunesse est intéressante, mais malgré tout, ce qui serait intéressant, c'est de voir de l'animation autrement qu'en jeunesse. Bien sûr. Est-ce que tu écoutais l'émission quand tu étais dans le bouchon tout à l'heure? On n'avait pas malheureusement. Non. En fait, Francis me posait la question à savoir d'où vient cet intérêt pour l'animation à la Cinémathèque québécoise. J'aimerais le redire rapidement juste pour mettre les choses en contexte pour toi. La Cinémathèque a été fondée par un homme qui s'appelait Guillaume Côté, qui était un collectionneur, qui était aussi réalisateur et producteur à l'ONF. Il aimait toutes sortes de choses en cinéma, mais il aimait particulièrement l'animation. Et il avait d'ailleurs eu l'occasion d'écrire sur l'animation, notamment il avait publié un texte sur Norman McLaren pour les Cahiers du cinéma. Et en créant en 1963 l'organisme Connaissance du cinéma, comme s'appelait la Cinémathèque à l'époque, dès le début, l'animation occupait il occupait une place significative à cause de la personnalité de son fondateur. Et Guy Côté est à l'origine d'un événement marquant dans l'histoire des études sur l'animation. C'est la rétrospective mondiale du cinéma d'animation qui s'est tenue à Montréal en 1967. Ça a été un immense conventum ayant réuni la plupart des, des grandes pointures de l'animation à l'époque, de Karel Zeman, Max Fleischer, en passant par Len Lai et Robert Breer, Chuck Jones, Otto Mesmer. Écoute, c'était incroyable. Un rêve. Et bon, évidemment, la plupart de ces personnes sont décédées maintenant, mais bon, il y avait encore des pionniers, des origines qui étaient toujours vivants. Alors, il y a eu cet immense conventum, il y a eu des projections, il y a eu des conférences, il y a eu une exposition, et donc cette réunion absolument spectaculaire. Et ça, ça a jeté les bases de la collection d'animation à la Cinémathèque, c'est-à-dire que l'événement nous a permis donc de constituer, évidemment, j'étais tout jeune à l'époque, j'avais 3 ans, mais c'est à ce moment que les bases d'une collection ont été jetées à la Cinémathèque. Et par la suite, toujours à cause de la personnalité de son fondateur, l'animation a continué d'occuper une place significative, notamment bon, par l'entremise des collections, bien entendu, mais aussi grâce aux programmations régulières d'animation à la Cinémathèque. Alors, ça, en effet, ça nous rend un peu atypiques. Louise Baudet est devenue conservateur de l'animation en 1970. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres cinémathèques dans le monde qui, au sein de laquelle il y a une personne qui occupe un poste comme celui-là. Bon, je connais des gens qui aiment beaucoup l'animation, qui travaillent dans des archives ou des cinémathèques. Par exemple, Igor Prassel, que tu as cité tout à l'heure. Bonjour, Igor. Travaille à la Cinémathèque slovène à l'occasion. Mihaila Mertova travaille aux archives du film à Prague. Jean-Baptiste Guernereau travaille au CNC. Mais à la Cinémathèque québécoise, il y a un poste qui est payé, qui est conservateur de l'animation, et c'est moi qui l'occupe. Alors, je dirais qu'il y a évidemment des circonstances historiques, culturelles, notamment le déplacement de l'ONF à Montréal en 1957. Ce qui a donc amené la création d'un bassin d'animateurs à Montréal. Et il y a le caractère, le tempérament du fondateur de la Cinémathèque, Guy Côté, qui nous a donc amené à la situation suivante, qui est celle de mon travail à la Cinémathèque. Et Montréal est encore une ville très, très dynamique dans le domaine de l'animation. Il y a le film d'auteur, bien entendu. L'ONF occupe toujours une place très importante. Il y a les indépendants, et sans compter tous les studios, tous les techniciens, aussi bien dans le domaine du numérique, des nouveaux médias, etc. Est-ce que, Nicolas, on peut écouter la piste 6, pas la première, pas celle où il y a marqué Olivier? On n'entendra pas Olivier Catrin, mais on verra celle qui est juste après. On va écouter une petite minute. Bonjour Alexis, content de te entendre. Et moi aussi. Alors justement, je t'ai demandé en fait de réagir, puisque comme je le disais, Marco Deblois m'a annoncé cette semaine que les sommets de l'animation ne pourraient pas continuer en tant que tel, en tant que festival. Comment tu réagis à ça en fait? Moi, je comprends de toi cette nouvelle. Et c'est une nouvelle absolument triste, parce que Sommet, c'était l'un des festivals de cinéma les plus importants au Montréal. Pour moi, c'était évidemment l'un des festivals les plus importants pour l'animation au Canada. C'est absolument nécessaire pour le développement et pour le cinéma d'animation francophone. On discute même pas que le travail de Marco Deblois comme sélection, je pense que c'était l'un des festivals avec une sélection plus impeccable de tous les festivals. Pour moi, la sélection et le programme étaient toujours 100% bien fait, bien pensé, bien établi. Il y avait du monde. Pour moi, c'était vraiment une fête. Il y avait du monde. Les salles ont été pleines chaque fois quand je suis allé dans ce festival-là. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont décidé ça. Parce que, tu sais, pour les animateurs, pour les gens qui s'occupent avec, qui fait cette art, l'art d'animation, c'était un forum absolument nécessaire. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent voyager à Ottawa. Et puis Ottawa, c'est évidemment, c'est plus anglophone, c'est ouais, plus vers Amérique du Nord, USA, plus vers les cinéastes indépendants de New York notamment. Donc, Montréal, c'était vraiment un forum très important pour les animateurs à Montréal. Voilà, désolé pour tous ces gens qui ont plus si gentiment. Là, c'était Théodore Huchef que j'ai eu hier. Il est à Montréal et que j'ai eu hier soir. Il me fait un petit brief de 6-7 minutes, petite interview. Il dit lui aussi l'importance. On connaît en plus les mots. À la fin de l'interview, c'est dommage qu'il n'y ait pas les fins. Franck, je te souhaite bon anniversaire. Et Théo dit si on doit manifester. Et Théo, évidemment, aussi bien que moi, si on doit manifester, on ira dans la rue, on manifestera. Voilà. Tous les gens, je ne sais pas combien de personnes t'as interrogé, mais tous les gens que j'ai entendus jusqu'à maintenant, ce sont des gens que j'aime beaucoup. Ben, j'ai essayé de faire. Et alors, la dernière, parce qu'il fallait bien que je trouve quand même une dernière, et après, on va pouvoir, parce que tu es là aussi, tu m'as demandé, et il y a les débats, et voilà, je suis arrivé une demi-heure en retard, donc ça arrive, parce que Francis m'a dit, bon, j'espère qu'on aura du temps pour le débat, et il a raison, là, et on veut avoir votre parole, évidemment. Donc, dernière petite lettre, qui est quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Julie Roy, et donc, voilà, donc on finit avec Julie. Cher Marco, cher ami de l'animation, cher ami tout court, je suis heureuse de pouvoir te surprendre alors que tu es à Paris et que de mon côté, je suis à souffrir dans ce mois de février québécois, qui s'annonce, on nous le dit, comme le plus froid que nous ayons vécu historiquement. Depuis 115. Voilà. Enfin, alors là, mais enfin, trois petits points, depuis que les données météorologiques sont compilées. J'aurais vraiment aimé être à tes côtés pour vivre cette bulle de rêve avec toi, pour te témoigner toute mon affection et pour pouvoir partager avec les auditeurs tout le bien que je pense du boulot que tu as accompli pour le cinéma d'animation depuis tant d'années avec la même ardeur, persévérance et dévouement. Tu fais un travail de l'ombre, tu te places au service des artistes et de leurs œuvres, tout en discrétion, même si tu te permets parfois quelques clowneries lorsque te confies un micro entre les mains ou en fin de soirée, mais ça c'est une autre histoire. Tu as bâti un grand projet au cours de la dernière décennie. Ce projet s'appelle Les Sommets de l'Animation. Je sais tout le cœur et l'énergie que tu as investi dans cet événement que tu as su mener au fil des années, les ans, à un niveau de festival d'envergure internationale. Tel un papa avec son rejeton, tu as bichonné tes sommets, tu t'es inquiété pour ton événement, tu l'as nourri, tu l'as aidé à grandir, tu l'as défendu. Et tu l'as mené jusqu'à son 13e anniversaire. Bien que les sommets d'animation, dans leur forme actuelle, sont appelés à évoluer, il n'en demeure pas moins que désormais, les cinéastes de l'étranger ont le désir de venir présenter leurs films à Montréal. Et ça, cher Marco, c'est certainement la preuve la plus tangible et valorisante que tu pouvais recueillir, celle qui te permet de mesurer pleinement le fruit de tes efforts ainsi que ceux de tes collègues de la Cinémathèque québécoise. En terminant, j'en profite pour te remercier pour ton indéfectible confiance et ta grande loyauté à mon égard envers les projets que je t'ai proposés et que tu as accueillis avec beaucoup de spontanéité et de support. C'est extrêmement agréable de travailler avec toi, tu es une personne de grande qualité, de grande culture et de bon goût. À très bien, Marco. Ta famille t'attend à Montréal avec toute mon amitié, Julie Roy. Donc, on arrête avec. C'est très people ton truc. Mais là. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il n'aurait pas été people si tu ne m'avais pas annoncé ça. Je ne pensais pas faire ça. Et je pense que juste ce temps que j'ai passé, ce témoignage, on ne se connaît pas forcément depuis si longtemps que ça, toi et moi. Et c'est vrai que je pense que. C'est quelque chose qu'on dit même avec Francis, c'est quelque chose, on est même si à chaque fois, de toute façon, il râle tout le temps Francis, mais on a besoin de gens passionnés, on a besoin de gens critiques, on a besoin de gens qui parlent de l'animation. Je me bats et j'aimerais bien qu'en effet, gens comme Nicolas, Francis, Ilan, on puisse faire des groupes comme ça, un peu de critique, entre guillemets, de choses. Et je pense que voilà, c'était juste dire. Moi, j'ai jamais eu la chance de venir au sommet, le plaisir de venir au sommet, mais c'est vrai que. Je pense que c'est un travail. Tous les gens qui en sont revenus m'ont dit à chaque fois le plaisir qu'ils avaient. Amélie Arrault, qui était venue pour Kiki, notamment, enfin, etc. Et donc voilà, on a pris beaucoup de temps pour peut-être ces paroles-là que je mettrais. Si c'est. Je sais bien que c'est. C'est pour ça que je voulais finir par Julie Roy, qui justement n'est pas uniquement dans. Voilà, c'était bien, mais c'est du style. Ben, tout ce qui a été accompli, ça, c'est. Ben voilà, ça n'a pas de prix quelque part. Oui, Julie a été une partenaire formidable pour les sommets. Bon, la discussion avec Franck Dion, dont Franck parlait tout à l'heure, en fait, c'est un projet qui vient de Julie. Et c'est Julie qui a animé cette discussion publique avec Franck. C'est tenu à Montréal et à Québec. Et Julie est à l'origine également d'un des plus beaux succès d'assistance pour un événement de type conférence dans le cadre des sommets. C'est la table ronde de femmes, sexe et cinéma d'animation qui a eu lieu il y a 2 ans. C'était plein. Beaucoup de femmes. Et on a parlé de sexe pendant 2 heures avec une sexologue professionnelle, d'ailleurs. Alors, chaque cinéaste devait présenter un film, pas un de leurs films, mais un film, donc représentant une vision de la sexualité, mais toujours d'un point de vue féminin. Et ça avait été vraiment un événement, bon, hors du commun. Mais ce qui est formidable, c'est que ça fonctionne. Et l'événement a été fait aussi en partenariat avec l'ONF, donc grâce à la machine promotionnelle de l'ONF, c'était des événements qui ont été particulièrement bien courus et mémorables. Alors, on va pas faire de pause musicale. Normalement, vous auriez dû entendre Bill Holiday, Let's Fall in Love. Vous auriez dû entendre... Je pourrais chanter. Vas-y. Il nous reste malheureusement un peu plus d'une demi-heure. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais voulu parler avec vous trois, des questionnements que moi je me pose. Et peut-être que la première, j'aimerais attaquer directement. C'est quelque chose qui m'a vraiment posé questionnement au début de cette année. Et qui revient en fait d'une interview que j'avais faite de Koji Yamamura, le célèbre réalisateur japonais, l'année dernière au Carrefour de l'animation justement, qui lors de l'interview me disait « Mais moi quand je vais en festival d'animation aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas faire le même métier que d'autres personnes qui sont dans ce même festival que moi. » Et j'ai trouvé intéressant, puisque pour rebondir sur peut-être un post qu'avait fait Francis récemment sur Facebook par rapport au César, en disant « Oh là là, mais comment un film comme le film de Chloé Maslow peut avoir, les petits cailloux peut avoir, c'est pas de l'animation. » Est-ce que vous trouvez pas qu'aujourd'hui, je disais il y a 20 ans quand j'ai commencé, j'avais l'impression que c'était vraiment la famille de l'animation. C'est-à-dire qu'on était... Les gens qui faisaient la série, le court-métrage, le long, se connaissaient plus ou moins. Il n'y avait pas beaucoup de longs. On faisait du court, on faisait de la série pour faire un peu d'argent, on va dire, de manière triviale, on faisait du court. Aujourd'hui, j'ai l'impression que y a des gens qui font de la série de manière absolument incroyable, beaucoup plus qu'avant. Il y a des gens qui font des longs, ça se développe de plus en plus, ça se diversifie. Il y a encore du boulot. Et en cours, notamment grâce aussi à ta liste, ton top 10, Marco, qu'on a fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais différent d'autres personnes qui pourtant étaient aussi dans le court-métrage. Bien Est-ce sûr. Que ça, c'est quelque chose qui vous marque ? Marco, tu peux commencer cette idée d'aujourd'hui d'énormément de famille dans l'animation, comme si d'un seul coup, c'était éclaté. Probablement que l'animation est moins monolithique qu'elle pouvait l'être à une certaine époque. Je sais pas, moi, si par exemple, par ailleurs, je sais pas si dans les années, par exemple, les années 50, est-ce que... Je prends un exemple comme ça qui peut peut-être paraître grossier, mais est-ce que, par exemple, est-ce que Trinka et Robert Breer mangeaient à la même table? Je sais pas. Est-ce que les classiques et les expérimentaux se fréquentaient? Je sais pas. Bon, c'est une famille éclatée. Bon, mais éclatée, c'est probablement une famille très, très, très élargie. Tout ça, évidemment, sous-tend la définition qu'on veut donner au cinéma d'animation, qui est une définition qui est de plus en plus à redéfinir, je crois. Est-ce qu'il y a éclatement? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a peut-être davantage éclatement entre les gens qui travaillent, par exemple, dans le domaine du long-métrage et de l'industrie et les auteurs qui travaillent dans le domaine du court-métrage. Moi, je suis davantage du côté du court-métrage d'auteur. Pas par choix, mais c'est un concours de circonstances. Par ailleurs, il y a des choses formidables qui se font dans le long-métrage d'animation aussi. Alors, je dirais que si un éclatement, c'est probablement davantage pour des raisons économiques, je crois. Et peut-être pas nécessairement pour des raisons idéologiques ou esthétiques, je pense. Francis, Nicolas, par rapport à ce qui s'est passé entre les Césars et les Oscars, où les Césars, il y a eu les petits cailloux, alors minuscules, qui est un peu particulier, et les Oscars qui, eux, ont encore récompensé le studio Disney avec voilà, ces deux grosses machines qui étaient à la fois le court, qui a surpris, je pense, le court-métrage d'animation aux Oscars, autant surpris que les spécialistes du court-métrage de la prise de vue continue en France, quand j'étais dans la salle avec vous, César, et je vous ai vu vous effondrer quasiment tous à l'annonce du César. Francis, est-ce que toi, tu ressens ça ou pas forcément? Je sais pas. Après, pour rebondir sur ce que dit Marco, effectivement, il y a aujourd'hui un enjeu industriel qui est quand même plus important peut-être qu'à l'époque que tu évoquais au début, même si on peut se dire, est-ce que effectivement Trinka et Disney allaient à la même table ou pas. Ça, après, c'est vrai qu'on a des images d'un Annecy idyllique où tu as tous les grands noms de l'animation qui sont tous dans la même barque. Bien sûr, aujourd'hui, tu te dis que c'est plus difficile, mais parce qu'aujourd'hui, le festival a pris des dimensions énormes, et quand ils ont fêté, finalement, je crois que c'était les 50 ans, oui, il y a eu un moment qui était un cocktail où tous les grands noms de l'animation étaient présents à ce cocktail, quoi. Donc après, c'est plus des occasions, alors soit mondaines, soit plus spontanées, effectivement. Alors aujourd'hui, je pense que l'animation, elle reste quand même entre les deux. Ça reste un milieu très spontané. Enfin, moi, si je compare l'animation, là, je vais juste parler de la France, quoi. Puisque, a priori, c'est le milieu que je connais peut-être un peu mieux, quoi. Et la prise de vue réelle, en prise de vue réelle, on sait bien qu'il y a des familles différentes, avec des gens qui peuvent passer d'une famille à une autre à un moment, suivant qu'ils font un film, avec plus de financement ou moins de financement, qui travaillent avec un producteur plus indépendant ou qui vont travailler chez Gaumont et UGC. Mais on sait qu'il y a des familles, comme à un moment on aurait envie de dire, il y a une famille du cinéma d'auteur qui va être un peu le réseau Un Rock, Pantin, Cahiers du Cinéma, Brive, en termes de festival. Donc voilà, et on n'est pas surpris, on sait que ces familles coexistent. Elles se tirent la bourre ou parfois elles s'entendent au contraire très bien, et puis parfois elles ont des accords communs qui peuvent surprendre. En animation, les gens se connaissent pratiquement tous. Et puis, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a, et c'est peut-être le cas avec le film de Chloé Maslow, Chloé, donc, qui fait de la pixilation, donc qui fait un tournage avec des acteurs, mais qui fait quand même une technique d'animation, quoi. Mais il y a un tournage, quoi, effectivement. Alors moi, j'ai vu le tournage de son dernier, qui n'est pas encore sorti. Bah, on voit qu'il y a une minutie énorme qui est aussi fine et délicate que d'animer une marionnette, finalement. C'est que là, les comédiens deviennent des quasi marionnettes, c'est assez impressionnant, quoi. Mais effectivement, c'est avec un producteur qui est un petit peu, donc les films sauvages, Jean-Christophe Soulagent, qui peut être considéré comme quelqu'un qui est un peu à la marge, qui est pas par exemple quelqu'un qui est dans le collectif des producteurs, et puis qui produit pas que de l'animation. Alors il y en a dans le collectif. Ils sont de plus en plus. Ça. Oui, mais bien sûr, qui sont de plus en plus. Mais moi je pense qu'il y a ce sentiment, et en plus il produit des cinéastes qui vont être un peu indépendants, qui se revendiquent pas, même s'ils en font à 100% du milieu de l'animation. Il y a Sébastien Lodenbach qui a fait Lensad, qui est purement dans le cinéma, qui a eu le prix Émile Cole de Émile Reynaud de l'AFCA, etc. Il est quand même bien dans le milieu de l'animation. Oui, mais en même temps, Sébastien. Si tu fais une discussion avec Sébastien, il va pas se revendiquer à 100%. Il y en a plein. Oui, je sais, mais Dion le dit aussi, il y en a plein qui. Oui, mais là, moi, je parle par rapport à un producteur et aux auteurs avec lesquels il travaille, qui sont pour moi des auteurs qui effectivement sont pas à 100% marqués cinéma d'animation dans le milieu de l'animation. Ils sont pas, je considère pas qu'ils sont intégrés, même si effectivement Sébastien est prof, mais Chloé, je considère pas qu'elle soit intégrée dans le milieu de l'animation. Sauf que, est-ce qu'on peut pas, c'était un peu ma question, est-ce qu'on peut pas ouvrir ce que disait le milieu de l'animation aujourd'hui? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, ce qui est intéressant avec des gens comme Chloé Maslow, évidemment, et comme d'autres, c'est qu'ils sont complètement dans l'animation. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il n'est pas plus important que ça? Francis, et après Marco, Nicolas. Ouais. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, de toute façon, je considère pas que je viens pas du milieu de l'animation. Moi, je suis venu à l'animation en faisant des sélections pour le Festival de Cannes, pour la Semaine de la Critique, mais je suis pas né dans le milieu de l'animation. Et je suis désolé, même si maintenant je commence à avoir une espèce de casquette de cinéma d'animation, moi je vais toujours en projection de presse, voir des longs-métrages de prise de vue réelle, voir du doc ou de la fiction. Je m'intéresse aux cours, et effectivement, moi je réagis autant au moment de la cérémonie des Césars, au César du court-métrage, que au César du film d'animation, quoi. Parce que les deux m'importent. Donc effectivement, il faut que ça s'ouvre, et je pense que ça s'ouvre de toute façon. Mais pour en revenir à ce que tu disais au tout début, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut être dans des optiques totalement différentes, et je pense que le festival d'Annecy, c'en est la marque absolue. On peut passer sa vie au MIFA ou à la partie festival sans jamais aller de l'autre côté. Nicolas, Nicolas, si tu veux réagir, Marco, tu voulais réagir vite. En fait, j'ai l'impression que la discussion concerne une surprise qui a été la vôtre à la suite de l'attribution des Césars. Et je comprends donc que le César du court-métrage d'animation remis à ce film a été une surprise. Parce que c'est de la pixilation. Pour certaines personnes, visiblement, on avait quelqu'un à côté de nous. Parce que je connais pas le film, je l'ai pas vu. Qui pour lui, alors c'est de la pixie, tout simplement, c'est de l'animation, hein. Il y a pas de problème, c'est la définition de l'animation. Mais pour certains, évidemment, un peu encore à l'âge de pierre de l'animation, l'animation c'est encore du dessin, et c'est certains on voulait plutôt un autre, par exemple, qui est plus traditionnel, on va dire, ce qui veut rien dire, évidemment. On sait bien autour de cette table que traditionnel ne veut rien dire, et il y a eu plus cette problématique là visiblement. Moi j'en ai pas eu, mais notamment que Francis disait, ou qu'il avait certaines personnes qui réagissaient aussi. Voilà, je sais pas, Francis, tu peux évidemment en parler mieux que moi. Juste, je rebondis juste sur ce que tu as dit. En fait, le film de Chloé Maslow, donc Les Petits Cailloux, à chaque étape, si tu veux, de sa présence dans les listes à chaque fois qui restreinte, a surpris. Moi-même, qui défends le film depuis la première projection d'équipe à laquelle j'ai assisté, si tu veux, on est un comité animation, Alexis en fait partie, mais n'était pas là ce jour-là, et c'est une série de tours de vote, des gens qui sont autour de la table. Il est passé au dernier tour de vote. Il est passé parce qu'il a été soutenu par quelques personnes, et donc à la surprise générale. Donc première surprise. Deuxième surprise, premier tour de vote de l'ensemble des votants de l'Académie. Il est dans les 12 courts-métrages d'animation. Il se retrouve dans les 4 derniers. Donc là, moi, effectivement, à chaque étape, je disais à Jean-Christophe Soulageon, c'est pas possible, quoi. Et la dernière étape, je lui ai dit, mais vous ne l'aurez pas. Hein. Mm-hmm. On est bien d'accord. Alors après, je lui ai dit, mais comme j'ai été aussi bon l'année dernière avec Amélie Haro et que j'ai dit à Olivier, je pense qu'elle ne l'aura pas, et qu'il m'a dit, mais si, elle va l'avoir. Mm-hmm. Donc, t'as peut-être une chance. Mais voilà. Et le soir même, sur place, c'était effectivement comme ça, t'avais un sentiment d'effarement. Moi, j'ai sauté au plafond, je le dis maintenant, mais j'aurais sauté aussi au plafond sur d'autres films, parce que les autres films déméritent pas plus, quoi. Et ils étaient plus attendus. Il y avait La bûche de Noël de Patard et Aubier, qui était évidemment le film dont tout le monde se disait, bah, les autres, ils ont juste qu'à passer une bonne soirée, quoi. Mm-hmm. Et puis, d'un seul coup, voilà, patatras, tout s'écroule, tout change, quoi. Donc, c'est pour ça, si tu veux, c'est vraiment le film inattendu du début à la fin, quoi. Nicolas, tu voulais réagir sur l'idée. Alors en fait, moi, ce que je voudrais réagir par rapport à la phrase de Koji Yamamura. Je trouve qu'il n'a pas forcément tout à fait raison ni tort, mais dans le sens où s'il allait dans des festivals qui concernent pas l'animation, je pense que ça serait exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on va dans un festival et qu'on trouve un film d'un réalisateur venu d'une contrée lointaine qui a économisé, qui s'est battu toute sa vie pour trouver une caméra et qui fait un film avec les moyens du bord, qui est comparé à un film hollywoodien fait avec un budget faramineux et des effets spéciaux, je pense qu'ils font pas non plus le même effet, le même métier. Bien sûr. De la même manière, dans le documentaire, quelqu'un qui fait un documentaire expérimental et un documentaire animalier, je suis pas sûr non plus qu'il fasse exactement le même métier. En fait, je suis pas sûr non plus, dans un certain sens, qu'il y ait eu une famille générale de A à Z autour de l'animation qui fasse, entre guillemets, le même métier. Ou alors, ils le font tous. C'est-à-dire, ils font tous du cinéma, que ce soit dans le documentaire, dans l'animation, dans l'expérimental, dans la fiction traditionnelle, de A à Z. Mais voilà, c'est-à-dire et puis surtout, moi j'ai l'impression surtout que ce qui change en fait, c'est plutôt le principe communautaire de l'animation. C'est-à-dire se réunir ensemble, même peu importe ce qu'on fait, dans un petit groupe, dans un endroit pour pouvoir parler et se rencontrer et se connaître, même si on fait des choses complètement différentes. Et ceci notamment aussi par rapport à l'arrivée en massive de, par exemple, de tous les effets spéciaux, de tous les effets numériques, parce que finalement, un film comme Harry Potter, un film comme Le Seigneur des Anneaux, ça peut être aussi déjà considéré comme de l'animation. Tous ces films-là, c'est-à-dire il y a aussi toutes les frontières qui ont explosé. Il y a tout l'aspect communautaire qui a donc forcément dû exploser. Et les gens font tous plus ou moins le même métier, ou ils ne le font pas. Mais finalement, la phrase de Koji Yamamura, je ne suis pas sûr qu'elle soit très, très... Alors attention, hein, moi je le pars, c'est très clair, sur mon expérience à moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est très clair, quand je vous dis il y a 20 ans, c'est que moi j'allais au MIFA, j'allais voir l'expo Disney au MIFA, je regardais l'expo des recherches de Mulan en étant épaté par ses recherches. Ensuite, j'allais voir une séance expérimentale dans les courts-métrages et je faisais tout. Et on était plusieurs à faire tout parce qu'en plus, c'était tous les deux ans. Et qu'il y avait un côté rare qui fait que d'un seul coup, on se plongeait pendant une semaine dans tout ce que pouvait nous offrir le monde de l'animation, sachant qu'évidemment, c'était 5 longs-métrages dans l'année. C'était finalement pas autant de courts-métrages. Il y avait 4 écoles. Moi, quand j'ai commencé à aller au Festival d'Annecy, si je dis pas de bêtises, il n'y avait même pas de séance sur les films d'étudiants. Donc les rares films d'étudiants étaient mis dans le reste des... Et donc, il y avait un côté pour moi qui était... Je vois tout le monde. Et on était, quand j'étais 10, c'est vraiment, je voyais les gens du cours en train de rigoler avec les gens de la série, en train de dire, ouais, mais c'est quand même pas très bon, tu fais ça un peu pour de l'argent. Mais en se plaisantant comme ça, et puis l'autre en disant, ouais, avec vos trucs d'artiste là, vous m'emmerdez avec vos courts-métrages. Et comme je le dis, le soir même, tout le monde se retrouvait autour d'une tartiflette de Ragland en disant, voilà, aujourd'hui, vous avez raison, c'est sûrement le fait aussi que tout ça a tellement grandi que j'ai l'impression que moi, je vais plus au MIFA aujourd'hui. Je mets plus du tout les pieds au MIFA, alors qu'avant je faisais au moins une journée. Et alors c'est peut-être que moi, hein. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir votre avis aussi. Hein. Finalement, en fait, les métiers sont toujours les mêmes. La seule différence, c'est le nombre qui a explosé. Et mais qui fait que... Peut-être que Koji Yamamura se sent moins... se sent un petit peu plus dans son coin qu'avant, mais finalement... Mais c'était pas négatif, hein. Ce que dit Koji Yamamura, au contraire, c'était juste de dire... Et moi, j'en arrivais à ma deuxième question, sauf si vous voulez réagir là-dessus, c'était de dire, est-ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui des festivals? Alors, on a un festival comme Annecy, qui est un peu le festival de Cannes, de l'animation. Et est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir... Ben, on parlait de Brive, on parlait d'un seul coup des festivals. Alors, il y en a plein qui ont des... Voilà, des angles d'approche très particulière. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas frustrant de se dire, avec toute la production qu'il y a en animation, on ne devrait pas avoir des festivals, je sais pas, britanniques de l'animation, un festival polar, de l'animation, etc., etc., de manière à avoir peut-être aussi plus de films. Je sais pas, Marco. Oula, c'est pas facile de répondre à cette question. On parlait d'éclatement tout à l'heure. Je pense qu'il faut plutôt employer le terme pluralité, ce qui est une, selon moi, une très bonne chose. Le milieu de l'animation peut avoir le défaut d'être très petit et replié sur lui-même et un peu étouffant. Et si ce milieu donc peut reconnaître sa pluralité et s'ouvrir à la aux autres démarches, donc reconnaître la nécessité de la pollinisation et du métissage, bon, tant mieux. Première chose. Cela dit, est-ce qu'il faudrait avoir un festival du polar animé ou un festival du film érotique animé? Il faudrait tout d'abord avoir des festivals d'animation, c'est ce qui est important. En même temps, en revanche, est-ce qu'on peut se poser la question suivante? Est-ce que les festivals d'animation sont nécessaires, étant donné que l'animation est une technique d'enregistrement d'image? Est-ce que c'est nécessaire de fonder tout un festival sur une technique d'enregistrement de l'image? Pourtant, l'histoire est là et je pense que l'histoire amène une réponse positive. Oui, il y a des œuvres fortes qui ont été faites à l'aide de cette technique, mais je crois pas que l'ultra spécialisation soit une très bonne idée. Ou alors par la transversalité, par exemple un festival de polar qui pourrait inclure de l'animation et de la prise de vue réelle. Les festivals de films de genre, j'ai parlé de Fantasia tout à l'heure, qui se tient à Montréal, il y en a d'autres à travers le monde, sont des bons exemples de transversalité, mais cette fois-ci dans le domaine du film de genre, dans le domaine du film fantastique. Ou alors, il y a le format, au Québec, nous avons Saguenay, le festival Regard sur le court-métrage, où il y a de l'animation, il n'y a pas de programme d'animation, l'animation est placée à l'intérieur des programmes de court-métrage. Bon, c'est formidable de pouvoir voir une variété de courts-métrages, mais pour bien comprendre l'animation dans toutes ses formes, je pense que quand même on est en train d'avoir un événement ciblé sur le cinéma d'animation et avec l'exemple d'Off Limit à Annecy, il faut aussi avoir la capacité d'admettre que les certitudes sont toujours un peu fragiles au bout du compte. Nicolas, Francis, vous voulez réagir par rapport à cette idée de festival autre? Enfin, pour le festival autre, je ne sais même pas s'il existe encore, mais il y avait un festival de documentaires animés en Italie. Ce genre de manifestation peut être intéressante, mais malgré tout, je me demande si au bout de quelques années, surtout s'il revient tous les ans, il va pouvoir encore avoir suffisamment de matière pour présenter des choses nouvelles tous les ans. C'est-à-dire que la production est peut-être bien plus importante qu'avant, mais malgré tout, pour rien que le documentaire animé, uniquement le documentaire animé, je suis pas sûr que tous les ans on produise suffisamment de films pour faire une dizaine de programmes pendant une dizaine d'années, quoi, par exemple. Donc, je sais pas si c'est particulièrement pertinent. Par contre, je rejoins tout à fait Marco. Moi, je pense que les festivals de films en prise de vue continue ne proposent pas forcément, devraient inclure de l'animation. C'est-à-dire, il y a des festivals de polar, des festivals d'horreur, des festivals de tous les genres. Il n'y a pas énormément d'animation à l'intérieur et ça, c'est assez regrettable. Par contre, de la même manière, oui, c'est aussi important d'avoir un festival comme Annecy ou comme d'autres festivals qui proposent justement une vision globale et générale de l'animation. Francis, un avis ou pas d'avis? Alors bon, puisqu'il n'y a pas d'avis, est-ce que ça veut dire qu'il y a des primo-gagnants et donc il y a des films qu'on voit tout le temps dans tous les festivals et ça veut dire qu'il y a plein de films qu'on voit jamais dans les festivals parce qu'on a des festivals généralistes qui se disent « je ne vais pas me passer de la chair de ma chair, Denmont était un âne, d'Hippopotamu, pour prendre des choses différentes, de Tram, de Willy » et que ça veut dire que quand on a des stars de l'animation, les autres passe à côté, et ça veut dire que votre film ne passe plus, sauf sur Internet? Quand on voit le nombre de courts-métrages ou même de longs-métrages en prise de vue continue faite et le nombre qui sont montrés en festival, je pense que c'est la même chose. Oui, de toute façon, après, il faut pas non plus prendre la position de victime. Moi, là, ça m'ennuie tout autant, quoi. C'est pas une position de victime, là. Non, c'est pas une position. C'est montrer le plus de films possible. C'est la position du passionné, de se dire, il y a aussi de très bons films ailleurs. Moi, il n'y a pas de victime. Non, mais... Au contraire, c'est de créer d'autres festivals, peut-être d'animation différents. Oui, parce qu'on ne montre pas assez de films d'animation. Après, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, on peut aussi dire qu'on ne monte pas assez de films en prise de vue réelle par rapport à la globalité de la production. Sûrement. Et moi, je le vois bien après 10 ans de Festival de Cannes, comment effectivement l'angoisse de la sélection, mais non pas pour le sélectionneur, j'ai envie de dire, mais pour le producteur et le réalisateur, de dire mais il faut que tu prennes mon film absolument. Et, et c'est un discours aussi très important en prise de vue réelle. Hein. Et par rapport à l'animation, bah oui. Après, on sait que, mais après, c'est ce qu'a dit de toute façon Marco au début en parlant de la Cinémathèque québécoise. Pourquoi il va y en avoir plus dans certains festivals généralistes et moins dans d'autres? Parce que tu vas avoir des gens qui sont enclins à défendre le cinéma d'animation, à vouloir montrer que c'est un cinéma comme l'autre, que tout est cinéma, de toute façon, quelle que soit la technique utilisée, et que ce qui compte, c'est de montrer des œuvres, quel que soit le type d'œuvre, avec des auteurs derrière. Donc, si t'as quelqu'un qui a une pensée comme ça et qui la tient, par exemple, pourquoi il y a eu pendant tant d'années autant d'animations à Clermont-Ferrand? Bah, parce que Antoine Lopez soutenait l'animation. C'est comme moi, quand j'ai quitté la Semaine de la Critique, on m'a dit, il va plus y avoir d'animation à la Semaine de la Critique en court-métrage. Bah, si, il y a continué à en avoir, et l'année dernière, il y en avait 2 sur les 10 films sélectionnés. D'ailleurs, Marco. Oui, il y a un petit festival qui existe à Montréal qui s'appelle le Festival du Stop Motion, qui se tient chaque année en septembre ou en octobre. Ça varie au fil des ans. Et le directeur du festival, c'est un très petit festival, le Festival du Stop Motion, et le directeur du festival s'appelle Éric Goulet, qui est lui-même donc un animateur de marionnettes. Et ce qui est intéressant et paradoxal à la fois concernant ce festival, c'est que l'animation de marionnettes n'a pas de tradition chez nous. C'est un art neuf. C'est Coadman qui l'a inauguré quand il a immigré chez nous vers la fin des années 60. Donc, il a tourné ses premiers films d'animation de marionnettes à l'ONF. Bon, le Château de Sable a été une date neuve marquante. Avant l'arrivée de Coadman, il y a eu quelques rares petites expériences, mais rien de très concluant. C'est donc une technique qui est neuve. Bon, maintenant, il y a des réalisateurs qui sont un peu plus... qu'on connaît bien, comme par exemple Patrick Bouchard. Mais ça reste une technique relativement marginale chez nous. Et donc, le Festival du Stop Motion suscite beaucoup d'intérêt chez les animateurs et surtout chez les gens qui s'intéressent à cette technique. Et Éric, mine de rien, est en train, je crois, de créer des vocations, justement, grâce à ce festival. Et donc, c'est un festival de niche, c'est ultra pointu, ça s'adresse à un public très particulier, mais en revanche, donc, ça introduit au sein de la production québécoise une avenue nouvelle, et ça, c'est grâce à la détermination et au volontarisme du fondateur du festival. On parle un peu de combat. Théodore Huchef a lancé hein, quelque chose, regarde vers le futur, qu'est-ce qu'un manifeste comme ça, ou comme il le dit lui-même, hein, il ne croit pas tout ce qu'il dit à l'intérieur du manifeste, il le fait aussi par provocation et pour faire parler un petit peu. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait l'envie et le besoin d'un combat encore dans le monde de l'animation. J'ai du mal à le voir à l'intérieur du Festival d'Annecy, qui de toute façon ne peut pas faire autrement aujourd'hui que d'avoir les Minions, bien sûr, et Off Limits. Ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Vous ne le voyez pas comme ça? Vous ne voyez pas, puisqu'on disait... Par exemple, Francis disait victimisé dans mes propos en disant, est-ce que vous pensez que l'animation va poursuivre petit à petit? De toute façon, on est en train de grandir et puis de toute façon, ça va prendre sa place de manière évidente et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un combat? Je sais pas, Nicolas. Je pense qu'il y a besoin d'un combat, justement. Je suis pas sûr que ça prenne sa place de manière évidente du tout. Annecy, c'est un festival de films d'animation, donc c'est normal qu'il y ait de l'animation. Mais je veux dire, dans n'importe quel autre festival, l'animation reste encore un peu en retrait. Donc quoi, il y a toujours besoin d'un combat par rapport à l'animation. Après Annecy, le combat à l'intérieur du festival, on voit quand même au niveau de la programmation qu'il y a des choix qui sont faits. On sélectionne pas tous les films, on montre pas tous les films, et c'est complètement impossible. Il y a quoi, 60 films qui sont montrés en compétition, je veux dire. Environ. Ouais, environ sur 2500 reçus. De moins en moins, parce que les films sont de plus en plus longs. Oui, donc ça veut dire qu'il y a même plus 60. Hein. Aujourd'hui, ça devient carrément portion de plus en plus petit. Ouais. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire on montre quand même certains films. Mais par contre, aujourd'hui, surtout pour le court-métrage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres manières de les diffuser ou de les montrer. Les gens peuvent les montrer sur Internet, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autre visibilité, un autre type de visibilité aussi. Et ça, c'est pas non plus négligeable. Sauf qu'il n'y a pas la rencontre, qui, on le disait au début, est importante du festival. Et notamment pour des jeunes auteurs. C'est vrai aussi. Si un combat y a à voir pour moi, il faudrait qu'il y en ait un contre la presse. Je ne sais pas comment c'est ici, mais chez nous, je le dis, il y a une absence de curiosité intellectuelle absolument pitoyable à l'égard du cinéma d'animation. D'accord, on va aller dans un junket à Hollywood à l'occasion de la sortie d'un nouveau Pixar, et le journaliste va aller faire son va aller enregistrer les voice actors, peut-être le réalisateur, venir faire un papier formidable. Mais en ce qui concerne les auteurs qui travaillent en animation, encore une fois, il y a une absence de curiosité intellectuelle, une paresse intellectuelle qui, moi, me déçoit et me sidère. Tout à la fois que j'arrive pas à comprendre. On peut compter sur les doigts d'une main les journalistes de Montréal qui s'intéressent à l'animation. Ils travaillent tous au journal Le Devoir, je tiens à le dire, là. Mais sinon, s'il y a un combat à y avoir, je crois qu'il doit être fait contre la presse et les médias en général, parce que chez nous, il y a des films qui sont produits. Il y a de l'argent des contribuables qui sont mis dans les films. Je crois que les médias ont une responsabilité à l'égard de ces œuvres, de ce réalisateur. Ils doivent donc faire état de l'existence de ces œuvres. Et s'il y a un combat à mener, je crois que celui-là est important. Je pense aussi que le combat, justement, pas contre les médias peut-être, mais aussi des médias pour l'animation devrait être là. C'est-à-dire que, dans un certain sens, depuis André Martin, toujours le même, mais c'est quand même une figure incontournable. On n'a pas eu énormément, et je dirais même qu'il n'y a eu aucun véritable journaliste dans la presse traditionnelle qui a vraiment essayé de défendre corps et âme le cinéma d'animation et de le faire rentrer au sein même du cinéma et d'en parler autant, de le défendre autant. Et on n'a pas non plus laissé forcément la place aux journalistes de défendre l'animation dans la plupart des médias traditionnels. Et ça, je pense que c'est aussi un combat à mener. Mais parce que dans les médias traditionnels, la place de l'animation, enfin, moi je suis désolé, hein, c'est cocorico quand c'est des films français, parce que ça marche super bien. Le Pôle Magélis, ouais, c'est super génial. Donc là, on va avoir des articles dans Le Parisien sur le Pôle Magélis, qui a produit tant de choses merveilleuses et qui marche si bien. Donc on va faire un super papier à ce moment-là sur le César court-métrage pour Mademoiselle Kiki et Montparnasse. Donc on va avoir des papiers dans le Figaro, parce qu'on va être sur le côté, et là on revient peut-être finalement au début de cette discussion, sur l'industrie et sur la réussite. De toute façon, en même temps, j'ai envie de dire que c'est un problème du monde actuel, hein, c'est qu'on est sur un facteur de réussite. Moi je le prends avec un parallèle qui est très simple. On parle beaucoup de la place des femmes cinéastes. Bon, très bien, c'est un combat que l'égalité des salaires, comme l'a demandé Patricia Arquette aux Oscars, évidemment, c'est tout à fait légitime. La place des femmes cinéastes, c'est légitime aussi. Ça fait 2 ans quand même que le César du film d'animation court-métrage est remporté par une cinéaste. Où est-ce qu'on voit des papiers là-dessus, y compris de journalistes femmes qui donc se battent pour cette reconnaissance? Nulle part. Pourquoi? Parce que médiatiquement, c'est pas un César aussi considéré que les Césars du meilleur premier film ou que le César du meilleur film. Donc on va pas en parler. Le combat, il est là aussi. Et comme l'animation, à part de s'esbaudir que nous sommes le troisième pays, et que donc dans ce cas-là, tout le monde vante la réussite industrielle, ça va être quand un film sort français, on va en dire du bien, y compris finalement, et là c'est l'autre problème à l'envers, y compris de manière un peu condescendante, parce que on va pas oser dire du mal, parce qu'un film d'animation, c'est tellement long à faire, c'est tellement de travail. La prise de vue réelle aussi, c'est du travail, mais pas sur les mêmes temps. Et puis là, on va avoir un regard plus critique, on va avoir un regard sur le fond, et on va même se permettre sur la forme, alors que souvent, sur la forme en cinéma d'animation, beaucoup de journalistes disent qu'ils sont un peu désemparés parce qu'ils savent pas en parler. Mais ils sont pas plus chef-op, ou monteur, ou acteur. Et là, pourtant, ils en parlent. Donc, c'est ça. Et tout ça, en fait, le combat, il est là, donc on va pas oser non plus dire finalement du mal d'un film d'anime, parce qu'on reste gentil. En plus, comme on a cette image du cinéma jeune public, on va rester dans la sympathie par rapport à l'animation. Et moi, je me rappelle très bien, je vais le dire ouvertement, la sortie de l'avant-première de Tantilda. Alors, j'ai dit du mal de Tantilda dans mon compte-rendu d'Annecy en 2013. Donc, il y a eu des réactions, notamment celle de Benoît Chieux, qui est tout à fait normale. En tant que co-auteur du film, il réagit, il n'est pas d'accord. On lui donne, nous, un droit de réponse et on le met en ouverture du site des Fiches du cinéma. Mais moi, je me rappelle très bien, je suis sorti un peu avant de la projection pour pas être dans la cohue. J'ai quand même vu plein de gens arriver qui sont dans le cinéma d'animation, qui soient ou pas journalistes, qui m'ont dit, oh, putain, quelle tannée, pardon pour le putain, mais quelle tannée, c'est pas possible. Non, mais tu comprends, je connais Jacques Rémy, je peux rien dire. Donc ça veut dire... Non, mais c'est, ouais, c'est là où j'ai... Pardon. Mais juste en vitesse, ouais, mais c'est vrai, et par rapport à ça, en 58, dans les cahiers du cinéma, sur trois numéros, c'était 60 pages sur Norman McLaren, qui n'a jamais fait un long métrage de sa vie et qui n'est pas français. C'est-à-dire à raison de 20 pages par numéro sur trois numéros. C'est ça, en fait. Comme, mais, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir mais ça mais on ne peut pas et le faire ça, le combat. Pour d'autres choses, aujourd'hui. Ouais. Si on veut, le combat, il n'est pas que pour l'animation. Oui, c'est ça. Non, mais c'est l'émission, et bien évidemment, on peut faire. Je trouve ça... Là, on parlait, évidemment, Marco. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de la durée de la réalisation et de la production d'un film. Ça, pour moi, c'est la blague par excellence. Un journaliste va finalement rencontrer un cinéaste d'animation. Le journaliste ne connaît pas l'animation, aucune idée de qui est le réalisateur, ne connaît pas la technique. Alors, il voit, il rencontre le réalisateur. Alors, vous travaillez à ce film depuis combien de temps? Oh, peut-être 2 ans. Et vous en avez encore pour combien de temps? Oh, peut-être encore 1 an ou 2. Alors, le papier, 4 ans de travail en solitaire pour faire un film d'animation. Le film lui-même, on s'en fout. Ce qui compte là-dedans, c'est la misère, c'est l'effort, c'est le labeur, c'est presque cateau. C'est-à-dire, au bout du compte, il va y avoir une rédemption et enfin, le film va exister. Mais Théodore Ouchev a 2 films en compétition au AF, à Utrecht. Il a réalisé 2 films cette année. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un comme Théo qui contredit cette espèce d'obligation de la souffrance enfermée dans un atelier pendant 3 ou 4 ans pour faire un film d'animation. Oui, mais après, voilà le problème. Et de toute façon, s'il y a un combat par rapport à la critique, hein, là je parle uniquement, c'est que effectivement, qu'un cinéaste d'animation, on puisse l'interroger. Bien sûr, on va l'interroger sur sa technique, mais on va aussi demander à un cinéaste de prise de vue réelle pourquoi vous avez fait ce travelling, pourquoi ce plan séquence. Eh ben, d'accord, donc pourquoi le choix de l'aquarelle et pourquoi cette technique plutôt qu'une autre, mais surtout le fond, pourquoi Ernest et Célestine, ours et une souris peuvent pas être ensemble, qu'est-ce que ça dit de la société. Il nous reste 1 minute, donc c'est quasiment fini. On mettra pas de générique final, évidemment, on laissera comme d'habitude le générique de l'émission après. Je voulais juste dire, donc ça veut dire que voilà, plutôt que de justement victimiser, je reprends un terme qu'employait Francis, c'est peut-être aussi à nous de créer je sais pas, un journal ou des choses comme ça, et peut-être essayer d'avoir nos propres critiques à l'intérieur de l'animation qui, je pense, ne sont pas présents tellement, et même si on essaye très modestement chacun de le faire. Marco, peut-être un dernier mot. Est-ce que toi tu vois, puisqu'on a la chance de t'avoir ici, est-ce que toi t'es très très optimiste et tu vois cette diversité que moi en tout cas j'appelle tous mes voeux dans l'animation, est-ce que tu la vois arriver? Je suis d'un naturel optimiste. Ouais. Je vois pas comment je pourrais développer davantage. S'il se passe quelque chose, ça sera sûrement intéressant. En revanche, moi, j'ai un côté volontaire, alors je me bats pour que cet art soit connu et reconnu, mais bon. Mais par ailleurs, merci pour m'avoir fait découvrir votre studio. Merci beaucoup d'être venu, Marco. Vraiment, merci à tous. Merci à Valentine et Rémi, évidemment. Merci pour ces gâteaux. Encore merci à Marco. Et vraiment désolé de ce retard. On se retrouve le mois prochain et j'espère avec plein de débats. Le 17 mars, normalement. Et ben voilà, Rémi est trop fort. Le 17 mars, normalement. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.